Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique et qui enchaîne beaucoup d'épisodes en très peu de temps. C'est génial, mais ça fatigue aussi parfois. Comment ça va, Roman? Bah ça va très bien et toi? Oh, fatigué, fatigué mais heureux, fatigué mais heureux. Surtout pour cet épisode dans lequel nous allons vous conter, vous raconter, vous détailler ce que nous avons vécu à l'incroyable festival de Gérardmer pour sa 33e édition. Si vous avez écouté les précédents épisodes, ou alors si vous avez simplement jeté un œil sur notre Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que le festival de Gérardmer. Nous avons été accrédités pour cette édition du festival de Gérardmer, que nous avons donc couvert il y a un peu plus d'une semaine, à l'heure où on enregistre. Et nous avons donc pu voir moult films, mener moult interviews, faire moult rencontres, vivre tant de moments exceptionnels au service de ce cinéma que nous aimons tant. Et donc, de la même manière que ce que nous avons fait pour L'Étrange, de la même manière que ce que nous avons fait pour Le Pif, nous allons dans cet épisode très tranquille, voilà, nous sommes en très bonne compagnie, nous nous amusons bien, nous allons vous raconter un peu comment était ce festival, jour par jour, film par film, vous raconter, vous parler des films, en premier lieu, peut-être donner des histoires plus personnelles par rapport au film. Ce sera pas le format chronique qu'on fait habituellement. En toute honnêteté, nous n'avons préparé que très peu de choses à part nos pensées et nos discours sur les différents films. Ce sera plus un épisode fleuve, un épisode tranquille sur le festival, vous raconter notre aventure en espérant évidemment qu'elle vous plaise. Tout d'abord, toi, Roman, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé lors du précédent épisode, mais pour toi, humainement parlant, Gérardmer, c'est quoi? Alors, mon premier rapport à Gérardmer, il n'est pas très humain puisque bah, c'était le Gérardmer Online. C'était donc le Gérardmer de 2021 où, bah, par le biais d'une personne, j'avais pu avoir accès à la sélection de Gérardmer. Et j'avais pu voir, bah, notamment lors de ce festival, des films dont on a pu parler dans ce podcast d'ailleurs, comme Slacks, typiquement. Exact. Mais aussi des films comme Teddy, comme La Nuée, comme Psycho Gorman. Psycho Gorman de Steven Kostanski, C'est si je ça. ne dis pas de bêtises. Effectivement, mais en termes de symbole, qu'est-ce que ça représente? C'est genre si on te dit Gérardmer, avant que nous ayons pu le vivre par nous-mêmes, qui plus est en étant accrédité, quel était le symbole que ça pouvait représenter pour toi? Bah, Gérardmer, c'est évidemment le symbole précieux, c'est-à-dire que c'est le plus grand festival de films d'horreur en France en termes et de notoriété et de... De rayonnement, d'importance. C'est ça, exactement. Là, pour le coup, un peu pareil que toi. Alors je sais pas si on l'a, je crois qu'on l'a jamais raconté, mais Gérardmer, on l'a un peu tenté. Au dernier moment, on n'y croyait pas. On se disait non mais c'est Gérardmer quoi. C'est immense. C'est les invités qui reçoivent, ce sont des stars, voire des superstars internationales. On n'est pas, on sait pas si ça a passé. On a un peu tenté au dernier moment, en toute honnêteté, et finalement c'est passé. D'ailleurs, encore une fois, merci à vous tous qui nous écoutez pour cette occasion. Merci beaucoup. Et Gérardmer, bah, de la même manière que Le Pif et que L'Étrange, c'est des festivals, des lieux que j'ai longtemps fantasmés. Je me disais, mais je suis pas tout seul, mais ces trucs bizarres, il y a plein de gens comme moi. Il y a plein de gens comme moi, il y a plein de gens comme moi qui vont aimer voir ces films étranges, ces films bizarres, ces films détonnants par rapport à la norme. Et donc effectivement, le fait de pouvoir s'y rendre, il y avait un côté presque Disneyland, pourrait-on dire, de se dire, on y est, et on espère, pas pour la seule fois, on espère que ça pourra évidemment se refaire sur toutes les prochaines années. Mais bref, rentrons directement dans le vif du sujet. Je propose qu'on démarre tout de suite avec la cérémonie d'ouverture, qui donc avait lieu le mardi soir. Mardi soir, et Mardi donc 27. mardi 27, effectivement. Donc, bah, cérémonie d'ouverture avec tous les remerciements, les discours, etc. de bon aloi. Mais aussi et surtout la projection, donc en avant-première, puisque à l'heure où nous enregistrons, il est sorti il y a aujourd'hui. Non, il Il sort. n'est pas sorti encore, Sanab? Non, il sort le 11. Ok, my bad, donc qui sort dans quelques jours au moment où on enregistre. Et donc qui. Je crois que ce soir, il passe Vendredi de l'horreur chez Pathé. Ça doit être pour ça. Et donc qui est donc le dernier Sam Raimi, le retour de Sam Raimi à l'horreur avec la promesse de ce survival nerveux, méchant, rentre-dedans, gore, efficace. On avait pas mal d'attentes, on a un peu pu décanter le film, étant donné que ça fait quelques jours maintenant que nous l'avons vu. Roman, qu'en as-tu gardé? Eh ben, pour moi, c'est peut-être un de mes meilleurs souvenirs du festival. C'est-à-dire que Send Help, c'est vraiment pour moi ce que j'attends d'un. Alors, déjà, d'un film de festival, mais aussi d'un film d'ouverture. C'est-à-dire que, un peu à la manière de Sissou au Pif, c'est vraiment un film qui va combiner plusieurs aspects. Déjà, le côté bis, notamment avec ce côté très sanglant de certaines scènes, mais aussi bah, tout simplement le côté pulp et le côté bah, un peu fédérateur. C'est de loin un des films les plus accessibles du festival, déjà par le côté un peu gros budget, c'est Disney à la prod donc forcément ça aide. Mais et aussi le casting, forcément Rachel McAdams qui brille de mille feux dans son rôle et Dylan O'Brien, qu'on adore détester dans ce rôle de d'espèce de tocard De jeunes requins de studio, de jeunes requins de film, de jeunes requins de la finance. de travail qui est totalement placé là et qui va perpétuer ce cycle de juste être placé, ne pas avoir forcément les compétences requises, mais juste par son simple nom, par son simple statut, par sa simple existence, finalement, il arrive avec les privilèges qui vont avec. Et bah comme tu le disais, oui, cette espèce de requin de la finance qu'on pourrait retrouver à la Défense, typiquement. Mais juste, c'est un film qui est déjà assez léger par déjà beaucoup d'humour, et tout simplement aussi par la sympathie que dégage le cast. Donc franchement, pour moi, c'était un bon petit plaisir. Et toi alors? Bon, en ce qui me concerne, alors déjà j'étais content de voir que Sam Raimi était encore à peu près en possession de ses moyens. C'est un film qui à la fois, sur le coup, m'avait laissé un excellent souvenir. J'avais vraiment passé un très, j'étais sorti pleinement convaincu en toute honnêteté. Et plus le temps passe, plus le film est descendu raisonnablement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très loin d'être un des meilleurs Sam Raimi. Alors c'est le meilleur de récente mémoire, évidemment. Évidemment que c'est meilleur que Doctor Strange. Évidemment que c'est meilleur que Oz. Mais je me demande dans quelle mesure est-ce qu'il n'est pas encore un peu limité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs scènes où on arrive à se dire, ah, on y est, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose qui va enfin. L'essai va être transformé, c'est-à-dire que le film va être plus que juste ce petit survival classique, mais indéniablement réjouissant. Bon, je peux penser à la scène du crash d'avion, évidemment, je pensais à une scène de confrontation autour d'un symbole masculin très important par Rachel McAdams, qui d'ailleurs me fait penser que le film est aussi éminemment politique, sans jamais pour autant être un tract ou un brûlot particulièrement intense, mais qui est en tout cas sur les rapports de domination, et notamment sur les rapports de domination au travail entre hommes et femmes, arrive à se placer très clairement sur cet échiquier. Donc là, il arrive à avoir plusieurs scènes comme ça. Romain a mentionné les scènes sanglantes, effectivement, il y a plusieurs scènes aussi assez trashouille amusantes. Maintenant, avec le recul, je trouve peut-être le film un peu long. Et je trouve peut-être que son dernier tiers a un petit peu de mal. En fait, le film arrive à développer une dynamique de duo très efficace, très séduisante et très charmante quelque part, avec même des emprunts rapides à certaines mécaniques de rom-com qu'on peut voir dans plusieurs échanges entre les deux. Mais ça finit peut-être par tourner un petit peu en rond, surtout dans cette mécanique de survival sur une île déserte où il faut relancer l'intrigue autrement que juste par il est méchant. Ce qui, non, si je peux prendre une comparaison, je prends le seul au monde. Qui y arrive notamment en blessant son personnage ou avec des scènes de supplice assez éprouvantes, bon, c'est la scène du patin à glace, mais qui là dans Send Help, je trouve que ça repose peut-être un peu trop sur le il est méchant, il veut faire croire qu'il est gentil, en fait non il est méchant et en fait ça repart, etc. etc. Un peu dommage sur ça. Néanmoins, ça donne évidemment confiance pour la suite de Sam Raimi, ça redonne confiance en Sam Raimi. Et déjà curieux de voir la suite. Je me demande par ailleurs s'il n'y a peut-être pas une petite version longue qui existe du film, parce qu'il y a plusieurs moments où j'ai l'impression qu'il aimerait aller dans un truc trash, mais qu'il le. Enfin, plus trash qu'en tout cas, ce qu'on avait vu, mais il ne le fait pas. Alors, espérons que ce film aura le succès mérité et que la suite de la carrière de Sam Raimi pourra se porter mieux que ce que ça a été jusque-là, en réalisateur ou en producteur. Justement, en termes de producteur, il arrive bientôt avec Evil Dead Burn. Evil Dead Burn, effectivement, de Sébastien Maniscalco, dont nous avons parlé il y a 2 épisodes. Donc on a très très hâte. Deuxième jour? Deuxième jour. Deuxième jour. Dernier truc sur le premier jour, à noter également que ce que Germay divise entre 4 cinémas, il y a donc l'Espace Lac, la Maison des Cultures et des Loisirs, donc la MCL, le Paradiso et le Casino. Et donc pour les spectateurs de l'Espace Lac qui ont vu le Sun Help, donc avec les 5 minutes d'ouverture là où nous étions, il y avait également un petit message vidéo de Sam Raimi juste avant la diffusion. Deuxième jour, du coup, on commence avec notre premier film en compétition, puisqu'il s'agit de Welcome Home Baby. Donc le film autrichien qui est plus ou moins un remake de Rosemary's Baby. Il y a beaucoup de Ah, ça. il y a Il beaucoup, y a beaucoup beaucoup de de. ça. Qui est donc cette histoire d'une jeune femme qui rentre chez elle. Qui rentre chez dans ça, dans la demeure familiale. C'est ça, de parents qu'elle n'a jamais connus parce qu'elle a été abandonnée à la naissance. Voilà. D'abord dans l'espoir de vendre la demeure et qui petit à petit au contact des habitants du village va réaliser qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Qui ne vont pas, qui ne vont pas. Tu n'as pas été pleinement convaincu par celui-ci. Pas pleinement du tout, non, c'était. Je vois l'intention, mais déjà, bah, comme tu dis, la ressemblance avec Rosemary's Baby est bien trop flagrante. Et aussi, accessoirement, c'est quand même vachement lent. Alors, je sais que je me répète, mais je suis assez sensible quand c'est très lent, surtout quand il n'y a pas d'aboutissement derrière. Et là, bah, l'aboutissement se fait lui-même un peu mollasson, je trouve. Énormément de films de la compétition tournaient autour de la maternité. Je sais que des retours que j'ai entendus, c'est un truc qui a pu beaucoup gêner, notamment des femmes qui se plaignaient que, bah, bizarrement, dès que ça parle de féminisme, ça parle de maternité. Ça, un peu réducteur sur le rôle de la femme, justement. Un peu réducteur sur la représentation, notamment la représentation fantastique et thématique de ces questions autour de ces sujets-là. Mais cet aspect-là, mis à part, c'est vraiment pas un film qui m'a conquis. L'actrice est franchement loin d'être incompétente dans son rôle, soyons honnêtes. Mais à part ça, j'avoue que je suis vraiment pas dedans. La narration est volontairement floue, pas floue, mais avec beaucoup de time-lapse aussi pour justement perdre le personnage comme l'héroïne. À ce niveau-là, c'est réussi, mais encore une fois, je suis pas rentré dedans. Et toi? Effectivement, cette idée de narration un peu trouble pour accompagner la déliquescence mentale de ce personnage autour de la question de sa maternité donnait un point de départ assez intéressant et qui, en plus d'être qui est non seulement intéressant thématiquement, mais également esthétiquement, narrativement. Et je suis dedans. Je suis dedans pendant à peu près 2 tiers. Je trouve que le film arrive à bien construire un piège narratif, notamment dans lequel il enferme ses personnages et son spectateur avec, jusqu'à donner 2 jumpscares qui étaient vraiment grinçant, notamment le premier avec les photos. Je me rappelle que je me les étais pas pris les Ah Joker. ben ça, pour le coup, et moi j'étais vraiment hypnotisé par ça, avec notamment cette approche très autrichienne. On en avait parlé, le réalisateur a travaillé avec Michael Haneke sur plusieurs films, mais cette approche très autrichienne, donc voilà, vraiment plan fixe, le côté très mal aimable que le film peut avoir avec son spectateur, on va vraiment faire subir le film. Maintenant, effectivement, le côté remake de Rosemary's Baby, personnellement, c'est pas un argument qui me convainc pleinement, et je suis moins fan de la fin, que je trouve peut-être un peu évidente, un peu facile, surtout dans ce cadre de comparaison avec Rosemary's Baby, qui fait que le film a finalement un écrin qui est très programmatique, et qui, s'il arrive à s'en sortir pendant une première partie avec sa mise en scène, avec la capacité de son actrice et sa narration trouble et volontairement distordue, se prend un peu les pieds dans le tapis à la fin. Néanmoins, j'étais surpris que ce film-là ne reparte avec rien au palmarès, étant donné que je lui aurais donné sans mal peut-être un prix du jury. Peut-être un prix du jury, ne serait-ce que par cette ambiance extrêmement, extrêmement visqueuse, extrêmement ça de mortifère qui peu à peu contamine le film jusqu'à cet épilogue. Suivant, Suivant. Satan Slave, Pengab Dissetan. Tengab Dissetan de Connor, Ouais. qui était repassé dans le cadre de la rétrospective. Alors toi, qu'en as-tu pensé? Alors moi du coup, comme toi, j'avais déjà vu le film, c'était mon deuxième visionnage pour le coup, et bizarrement, bien plus conquis que mon premier visionnage du film. Je me rappelais pas d'à quel point le film ne s'arrêtait jamais, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes globalement, sur un film qui fait 1h45, 50 dans ces eaux-là, il y a une scène d'angoisse ou une scène potentiellement angoissante, avec soit une ambiance bien anxiogène comme il faut, soit un jumpscare qui est bah, très souvent très très très efficace chez Joko Anwar. Même l'introduction des personnages, chaque personnage est introduit par sa scène potentiellement flippante. Donc rien que pour ça, GG à Joko, mais de manière générale, c'est un film qui, ouais, c'est peut-être le meilleur grand huit horrifique indonésien. Ah, le 2. Ah oui, le 2, Ah, le 2, le 2, j'avoue le le 2. 2. Bah, pour le coup, moi, ce qui me plaît toujours dans le cinéma de Joko Anwar, c'est la façon qu'il va avoir de conjuguer cette grammaire horrifique sur laquelle il se livre à moult expérimentations, moult tentatives qui sont parfois réussies, parfois pas, mais qui donnent d'une façon générale des résultats qui sont toujours identifiables, intéressants et peut-être même passionnant. On peut penser à un autre film de Joko Anwar que nous avons vu plus tard, dans le cas de Satan's Slave, et donc il va prendre cette grammaire-là, et dans le cas de Satan's Slave surtout, il va la mélanger à toujours des préoccupations politiques, sociétales, indonésiennes, locales, et donc hyper intéressantes. C'est dans des cinéastes, on a une masterclass de sa part sur le sujet. C'est un des cinéastes peut-être actuels les plus politiques, notamment en termes horrifiques, et sur le cas de Satan's Slave, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Notamment sur ce qu'il dit de la structure familiale, ce qu'il dit du rôle de la religion, ce qu'il dit du rôle de l'importance qui est donnée à cette religion-là, surtout En Indonésie. Bref, moi c'est peut-être un de mes Joko Anwar préférés. Genre, je préfère malgré tout le 2. Mais ce Pengabdi Seitan est vraiment, vraiment, vraiment un petit bonbon. À la fois hyper efficace, très intelligent, hyper énergique, hyper distrayant, tout simplement. C'est un vrai plaisir horrifique de A à Z. Pour le Et après, nous nous suivant, sommes séparés, si je ne dis pas de exactement, bêtises. exactement. Donc toi, tu es allé voir Watchmen, les De gardiens. Zack Snyder. Alors, qui était malheureusement dans sa cut de base, donc il fait à peu près 2h40 dans ces eaux-là. Mais si, j'aurais adoré le voir dans la Director's Cut, voire dans la Ultimate Cut, mais ouais, c'était déjà super de pouvoir d'avoir l'occasion de le découvrir en salle. Alors, enfin, de le voir en salle et de le découvrir pour la première fois dans ce cadre-là. Alors, Zack Snyder, j'ai déjà pu en parler très rapidement lors du premier épisode. Moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup pour les bonnes ou les mauvaises raisons, que sais-je, mais qui a beaucoup compté dans ma cinéphilie et dans le. Notamment dans l'appréciation esthétique que je peux avoir d'un film, à nouveau, pour le meilleur ou pour le pire. Et bah, son Watchmen, c'est probablement l'un de ses, si ce n'est son meilleur film. Adapter Watchmen, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, parce que Alan Moore, je pense qu'on peut arrêter l'explication ici, et Zack Snyder s'en sort vraiment avec les honneurs, parce qu'il arrive à livrer quelque chose qui est à la fois très politique, mais vraiment très très très politique, et qui est pas tant que ça sur ses opinions conservatrices ou sur ses opinions ou sur ses opinions, pourrait même dire rétrograde à plusieurs égards. Ici, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est plus sur le rôle de l'icône, le rôle qu'on va donner à l'icône, le rôle que l'icône elle-même va s'accorder. Comment est-ce que ce rôle peut fluctuer, comment est-ce que ce rôle peut évoluer, comment est-ce que ce rôle peut s'améliorer ou empirer en fonction des gens, des tempéraments et des perceptions. Et à côté de ça, il livre aussi un film que je trouve profondément émotionnel et profondément beau. Alors, émotionnel, alors Zack Snyder, c'est un Zack Snyder et l'émotion, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. C'est quelqu'un qui arrive souvent à faire de l'émotion presque involontairement, c'est-à-dire qu'à travers toutes les couches d'iconisation qu'il met à son cinéma, bah parfois il touche du doigt quelque chose. Je me peux penser à la scène d'envol de Man of Steel par exemple, et parfois ça ne marche absolument pas. Typiquement 300, qui, même si c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, ne fonctionne jamais sur ces scènes émotionnelles, notamment tout le thème, la relation entre Leonidas et, je n'ai même plus son nom, mon Dieu, mais la reine dans le film. Mais Preuve ici. en est qu'elle est développée. Comment? Preuve en est qu'elle est développée. Non, non, mais en fait, ils tentent de le faire, il y a plusieurs clés qui sont amenées, il y a plusieurs éléments qui participent à la construction de cette relation-là, mais ça fonctionne jamais, parce qu'en fait, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Ce qui l'intéresse, c'est l'idée de tragique, ce qui l'intéresse, c'est pas l'idée de l'émotion. Et c'est surtout ça, preuve en est, avec l'idée de tragique, toute la scène de fin de 300. Mais donc, dans le cas de Watchmen, il arrive à créer quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, notamment avec le personnage du hibou, je l'avais appelé Owlman dans le premier épisode, mais le Patrick Wilson. Et ce qui est amusant, c'est que j'en avais parlé dans le petit format court, mais bah, c'est de loin le personnage qui va cristalliser, je trouve, le plus de choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui fonctionne? L'iconicité, bah, tout le plan où enfin, la scène où il va sauver la famille du bâtiment en feu avec sa compagne, toute la séquence de fin dans le palais de glace. Émotion, bah, je trouve que la relation qu'il a avec, à nouveau, je n'ai plus le nom de la super-héroïne, mais avec elle. Spectre soyeux. Ouais, Silk Spectre 2, oui, merci beaucoup. Spectre soyeux en français. Qui, euh, qui, qui, ça fonctionne très bien, et bah, d'un côté, ça peut être vraiment joli, vraiment juste joli, alors pas subtil, non, pas fin, mais juste joli. Là, typiquement, leur scène à tous les deux dans le vaisseau sur Alléluia de Leonard Cohen, mais putain, à côté, il peut pas s'empêcher de finir la scène par un jet de lance-flammes au moment du climax, pourrait-on dire, de cette scène. Et c'est donc le film qui va cristalliser toutes les obsessions esthétiques, narratives, formelles de Snyder. À nouveau, pour le meilleur et pour le pire, pas du tout le film qui va vous faire aimer Snyder si vous ne l'aimez pas de base. C'est pas le film qui va vous le faire détester si vous l'aimez. Par contre, si vous êtes déjà client de son cinéma, c'est peut-être là qu'il va trouver son apogée avec Sucker Punch, mais Sucker Punch est sur un autre créneau. Ici, c'est peut-être tout le cinéma de Zack Snyder concentré dans un seul film, celui-ci. Avec, en plus, peut-être un de ses meilleurs matériaux de base en termes d'écriture de scénario, en termes d'écriture de personnage. Je ne vais pas parler du côté adaptation, parce que adapter Watchmen, juste l'idée d'adapter Watchmen est tellement saugrenue que c'est très, très, très. Watchmen est peut-être une des choses les plus dures à adapter, possiblement de tous les temps. Et ici, je trouve qu'il s'en sort vraiment avec les honneurs, malgré quelques simplifications parfois vraiment vulgaires. On peut penser à ce qu'il fait du personnage d'Ozymandias, par exemple. Et j'aurai l'occasion de parler d'adaptation sur un autre film plus tard. Bref, voir Watchmen en salle, c'était. On n'était pas nombreux, on était peut-être 7 ou 8, mais on est 7 ou 8 à avoir passé un très bon moment. Et oui, j'ai eu quelques larmes à plusieurs moments. Bref, j'adore Watchmen, j'adore ce que Zack Snyder en fait, j'adore cette vision de cet univers-là, et tout particulièrement, j'adore, alors je sais que c'est peut-être le point polémique, entre guillemets, mais j'aime beaucoup ce qui est fait du personnage du Docteur Manhattan et du personnage de Jackie Earle dans le film, qui je trouve sont, malgré les côtés parfois un peu cringe de Docteur Manhattan avec la philosophie de comptoir et de Rorschach. Bandeau sur le visage. Le côté un peu Edgelord, ouais, je suis pas enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi. Bah, dans le premier cas, je trouve qu'il arrive à déclencher une vraie émotion avec en plus des scènes absolument magnifiques, la scène des boucles d'oreilles ou la scène de sexe. Et dans le côté de Jackie Earle, je trouve que l'interprétation du comédien le sauve très largement jusqu'à cette fin absolument magnifique qui, moi, m'a fait pleurer. Bref, et toi pendant ce temps-là? Le comédien, l'acteur, pas le personnage. Oui, alors oui, oh putain, ouais, alors ouais, j'avais oublié ça, mais Trigger Warning VSS sur le film, il y a une scène d'agression qui est pas fine du tout, qui est vraiment pas fine, et qui est peut-être même un peu gratos dans la façon dont elle est montrée, mais voilà, à savoir. Bah, pendant que tu étais à Watchmen, moi j'étais parti découvrir The Invitation de Karen Kusama. Dont on avait parlé dans l'épisode réalisé par une femme. C'est ça, l'épisode réalisatrice donc qui avait signé l'excellent Jennifer's Body. Et qui là donc avait sorti ce film il y a maintenant 11 ans, sur Tom Hardy, pardon, Logan Marshall Green. Donc l'acteur de Upgrade, sosie non officiel de Tom Hardy. C'est ça. Qui est invité alors chez son ex-femme pour en gros une réunion de leur groupe de potes. Sauf que très vite des choses bizarres vont se produire. Notamment on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus au Ouais, final. pour le coup, c'est vraiment un film qui mérite d'être découvert pleinement lorsqu'on y est confronté pour la première fois. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans le film, alors j'ai été très conquis, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est vraiment tout ce côté nébuleux. C'est-à-dire qu'on démarre dans le brouillard, enfin on démarre avec un postulat simple, c'est-à-dire t'es invité chez ton ex-femme avec ton groupe de potes, soit. Mais il y a une couche de mystère qu'on va gratter, et en la grattant, on va en fait penser qu'on éclaircit quelque chose, et au final, ça va libérer encore plus de brouillard qu'on va essayer de gratter à chaque fois, et c'est peut-être la plus grande force du film. C'est d'aller de surprise en surprise jusqu'à un final, ma foi, assez bluffant. Mais voilà, justement, c'est un film qui gagne à ne pas. À ce qu'on en sache le moins possible. Jetez-vous dessus parce que c'est très sincèrement de la bonne. Évidemment, le cast, notamment le gars Marshall Green, est un jeu tout en subtilité, tout en retenue, parce que c'est un personnage qui est profondément meurtri, je vous dirai pas par quoi, mais voyez le film. Si je peux résumer ça en une phrase, c'est un film dont le scénario corrompt le métrage lui-même au fur et à mesure, et ça se voit. C'est vraiment un film qui est une sorte de prise d'otage par son scénario. C'est un film limite où le scénario est trop bien écrit pour la mise en scène, mais comme tu as dit, jetez-vous dessus, ne serait-ce que pour ce dernier tiers qui est lunaire. C'est simple, si vous avez toujours rêvé de voir Feston sous stéroïde, bah voilà, c'est ça. Et c'est, par contre, je trouve ça, premier degré, infiniment meilleur que Feston. J'ai pas vu Festival. J'aime pas ce cinéma, j'aime pas ces cinémas-là en général. Et on a fini la journée avec un cinéma que tu n'as pas aimé non plus. Oh putain. Oh, c'est celui-là. Oh merde. Don't leave the kids alone, no dejes a los niños solos. Oh putain. Ouais, ok, on va en parler lui. Ok. Vas-y, sors les balles, t'as commencé, vas-y. Non, mais en fait, alors bon, posons l'histoire de base. C'est donc une mère de famille qui va laisser leur mère de famille qui est un peu en galère, qui est un peu en galère. On devine qu'elle vient d'acheter sa maison, elle aimerait bien pouvoir la payer, enfin bref, elle aimerait bien pouvoir finir de la payer. Bref, et elle va laisser ses enfants seuls chez elle pendant que, dans cette très belle et très grande maison, pendant qu'elle va, elle va une soirée dans l'espoir de faire signer, finir de signer le contrat par son notaire. Alors, pendant ce temps-là, donc les enfants, ça va plus ou moins, ça va globalement partir en couille, ça va aller très loin, ça va aller vraiment très très très très loin. Je peux pas enlever au film que il ment pas sur le pitch, ça va vraiment très loin, et pendant une première moitié ça fonctionne, ça fonctionne parce que bah, il y a juste cette espèce de plaisir de l'improbable, de ah, où est-ce qu'il va aller, où est-ce qu'il va emmener son histoire, qu'est-ce qu'il va encore réussir à proposer pour tourmenter ces pauvres enfants. Ma limite avec le film, ça a vraiment arrivé, bah quand juste le film va tomber dans un espèce de sadisme béat, mais vis-à-vis de son spectateur et non pas vis-à-vis de ses personnages, que ce soit par son montage, ben, en jouant sur le arrivera, arrivera pas, que ce soit par l'absence de payoff, à part un payoff sadique envers l'un des trois personnages, on dira pas lequel, que ce soit par l'espèce de jeu politique un peu nul qu'il veut faire avec cette pauvre femme qui se fait martyriser, voire agressé hein, par les hommes présents à la soirée. C'est un film qui m'a épuisé, c'est un film qui, au début, je voulais aimer cet aspect un peu méchant, un peu puéril aussi, peut-être dans la démarche qu'il a, mais qui a fini par me rebuter tellement j'étais horrifié par ce que je voyais, et pas horrifié, choqué, juste horrifié, gêné. Je comprenais pas ce que le film voulait me raconter, je comprenais pas comment il voulait me le raconter, je comprenais pas pourquoi il voulait me le raconter, si ce n'est pour juste me mettre des coups de coude dans les côtes et me faire, eh, c'est pas agréable, hein, c'est pas agréable, et non, non, non, ce n'est pas agréable. Surtout quand ton film fait bien 1h30, 1h40, c'est vraiment très long en ressenti, passé la deuxième moitié. Et le film a des mérites, le film est plutôt bien mis en scène, plutôt bien monté. La photographie du film, enfin, la direction artistique du film arrive à le plonger dans un espèce de. Il y a bien longtemps, dans un futur proche, quoi. On comprend pas trop où est-ce que le film se situe, quand est-ce que le film se situe, pourquoi pas. Je crois que c'est les années 80 parce qu'il joue à l'Atari. Bah c'est ça, mais en même temps, peut-être esthétiquement, le film fait beaucoup plus vieux, presque années 60. Et donc je me dis, bah, où est-ce qu'il veut se passer? Mais bah, j'aime bien cette idée d'incertitude, au moins je me dis que c'est pas à côté, quoi. Mais moi, c'est un film qui m'a emmerdé, mais qui m'a emmerdé dans le sens premier du terme. C'est pas que je me suis ennuyé, loin de là, c'est que je me mordais les doigts tellement juste. J'en pouvais plus parce que je comprends pas l'intérêt de raconter ce genre d'histoire quand il n'y a pas de payoff. C'est-à-dire que me taper sur les côtes, pourquoi pas, à nouveau, on a parlé de Marco à ce micro, mais quitte à me taper sur les côtes, offre-moi autre chose que juste un espèce de jeu sadique de hey, le gamin est mort. Je fais bof. Il y a peut-être d'autres choses à raconter, il y a peut-être d'autres choses plus intéressantes, plus pertinentes, plus. Moins puéril et moins stérile que juste se concentrer sur un espèce de jeu sadique avec ses deux pauvres enfants. Voilà. Je suis sorti très, très, très, très, très, très, très énervé du film. Oui. Donc là, j'en parle mesuré, mais ma colère contre ce film est toujours intacte. Et alors, je vais te rejoindre sur pas mal d'aspects, notamment bah, tu disais que le film se perdait lui-même, passait son deuxième tiers. Sa deuxième moitié. Deuxième moitié. Pour moi, c'est la moitié où on comprend la mécanique et donc c'est bon, stop. Et c'est ça, justement. La mécanique du film va se répéter énormément avec ce. Globalement, cette espèce de jeu du chat et de la souris entre les deux gosses, à savoir c'est moi qui sers le casse-couille, non, c'est moi. Et globalement, alors, je pense que le film n'a pas de mauvaise intention politique. T'en parlais en sortant de la salle, Ah mais j'espère qu'il n'en a pas, le parce que côté, le sinon. côté sadique volontairement envers des gens qui galèrent financièrement. Je pense juste que le film est profondément bête et que le mec s'est juste dit tiens, les pauvres, il y a plus d'enjeux, ils ont forcément plus à Ils perdre. sont pas pauvres, ils sont juste genre classe moyenne moins, entre guillemets, on pourrait dire. Mais c'est dans leur rapport aux autres personnages qui, eux, sont infiniment plus aisés et plus manipulateurs. C'est ça. Mais alors globalement, ouais, tu soulignais que c'était bien mis en scène, bien monté. Et oui, globalement, c'est le cas. C'est correct, quoi, c'est pas non plus bluffant, Non, ça. non. Mais bah, pour le coup, oui, ça se répète énormément. Alors, c'est sadique. Oui, c'est clairement sadique. Ça ne va pas plus loin que ça. Ça va dépendre de vous, du coup, si c'est ce qui vous branche ou pas. Je sais que toi, du coup, c'est pas ce qui t'a branché sur le film. Et. Bah, moi j'aime le cinéma sadique, mais j'aime le cinéma sadique quand il a autre chose à faire que juste m'emmerder, quoi. Non, je passe pas un bon moment. Enfin, ce serait l'équivalent d'un film où t'as un personnage qui arrive, qui prend un CD, qui le met, et en fait le CD c'est uniquement des bruits d'ongles sur un tableau. Je sais bah, le seul qui passe un mauvais moment là c'est moi, donc c'est pas. Non, arrête, c'est horrible quoi. C'est ça qui m'emmerde. C'est juste. C'est stérile en fait, c'est stérile comme démarche. Mais ouais, globalement, alors ouais, j'ai mentionné que les deux gosses étaient très insupportables. Ça, pour le coup, c'est un fait. Et ouais, ils se tirent la bourre pour savoir lequel sera le plus insupportable. Et globalement, alors oui, on a beaucoup d'empathie pour la mère, par contre, qui galère énormément de son côté Voilà, en fait, je pense que c'est ça, je pense que c'est la fin. La fin m'a fait mais plus que haïr le film. La fin, c'est intenable. Surtout que, autre chose que j'ai mentionné, le film ne sait pas ce qu'il veut être. Est-ce qu'il veut être un film de fantômes? Un film sur des PTSD, la transmission du mal? Un film sur des enfants maléfiques? Un film sur un enfant maléfique? Un film sur une mauvaise mère? Une espèce de film un peu fantôme chelou? qui est, je sais pas, pour interrogation totale. Et mentionnons que le film a eu un prix, le prix du jury jeune, Oui. chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est celui-ci en particulier. Je sais pas, peut-être parce qu'il y a beaucoup de péripéties en soi qui se passent, que je sais pas, ça a pu séduire des lycéens sur ce côté. Peut-être. Enfin, Peut-être le côté rétro aussi qui a su séduire la génération Stranger Things, je sais pas. je sais pas, et honnêtement, je suis un peu perdu par rapport à cette OFNI. On a fini sur le jour On a 2. fini sur le jour 2. À noter sur Don't Leave the Kids Alone aussi. J'avoue. Lui, pour le coup, Welcome Home Baby, c'est celui-ci le premier qu'on a vu. Et ceci, malgré nos amours variés, on va dire, pour les professions, ont totalement leur place en compétition. Ce qui n'est pas forcément. Là, on peut avoir des doutes sur d'autres. On peut avoir des doutes sur d'autres, précisons. Mais ouais, Don't Leave the Kids Alone, personnellement, je déconseille vivement. Et toi, t'es plutôt plus enclin à peut-être le recommander. Le recommander, pas forcément non plus. Je trouve pas ça détestable, mais c'est pas. Si on me dit recommander un film de Germain de cette année, ça va pas aller vers lui, Nickel. typiquement. Passons au jour 3, et le jour 3 a commencé sur des chapeaux de roue pour toi. Je vais te laisser Ah, c'est dérouler mon sur le moment. film. C'est ton moment. On vous renvoie évidemment à l'épisode d'Espagne. Et Ouvre les yeux, abre los ojos d'Alejandro Amenábar, c'est à toi! y a une ouais, bon, y a un truc qui va sortir bientôt sur le site où j'ai c'est littéralement moi qui parle, qui dit du bien du film pendant plusieurs pages. Bref, c'est un des séances que j'attendais le plus. J'en ai déjà parlé, c'est un de mes films préférés, c'est un film que j'adore, c'est un film qui me fascine, que soit la rigueur de sa mise en scène, l'excellence du jeu de ses comédiens, qui sont peut-être parmi les rôles les plus incroyablement joués que j'ai jamais vu, la finesse des dialogues, la perfection du montage, la richesse thématique et narrative du film, la surpuissance émotionnelle qu'il arrive à toucher à la fin. Moi, c'est un film que je vois très régulièrement, qui, chaque fois que je le vois, me met une nouvelle claque. Et à chaque fois, j'ai un peu peur de me dire, mais ah, est-ce que cette fois encore, ça va fonctionner? Et oui, cette fois encore, ça fonctionne, parce que c'est un film qui est, je trouve, parfait. Et donc oui, c'est un film qui me fascine, c'est un film qui est parfait, c'est un film qui m'obsède, c'est un film qui m'émerveille à chaque revisionnage. J'aime ce personnage de César, c'est cette sorte de playboy à qui tout réussit et qui un jour se retrouve enfermé dans un cauchemar dans lequel son esprit va perdre peu à peu pied avec la réalité. J'adore ce personnage de Sofia, qui est cette incarnation de la perfection féminine aux yeux de son personnage principal qui va avoir un rôle très compliqué par la suite, très trouble. J'aime même le personnage de Nouria qui. N'en disons pas trop sur celui-ci. Bref, moi, c'est un film qui m'obsède, c'est un film qui me terrasse à chaque visionnage. Je finis en larmes, je trempe. C'est un film parfait. J'ai presque du mal à mettre des mots sur le diamant cinématographique qu'est ce film, mais je peux dire peut-être une chose sur le film. C'est un film d'une noirceur vraiment sans limite. C'est un film qui est d'une cruauté vis-à-vis de ses personnages, qui n'est jamais direct, c'est-à-dire que vous ne réaliserez la cruauté et l'aspect méchant du film qu'à la fin, et encore, est-ce que le film est cruel? Oui. Est-ce qu'il est méchant? Peut-être pas tant que ça reste libre d'interprétation, mais bref, il y a tellement de films, tellement de scènes dedans qui m'obsèdent, la scène de fin, la scène du mime, la scène de la fête, la première rencontre, enfin le... Moi, j'aimerais une version du film qui dure 18 heures, donc il y a les 2 heures du film, et les 16 heures restantes, c'est juste la première soirée qu'ils passent tous les deux, tellement je trouve cette soirée mais brillamment filmée, parfaitement interprétée, les dialogues à ce passage-là sont à tomber par terre. Bref, Alejandro Amenábar est un génie, ce qu'il a fait sur ce film-là, c'est. Il est passé en Super Saiyan et il a cristallisé tout ce que je peux aimer dans un cinéma, en tout cas, dans un film, et a livré ce qui est peut-être, en tout cas, dans mon livre, l'un des. Et pardonnez-moi du terme, mais l'un des plus grands films de tous les temps, l'un des films les plus importants, peut-être, du cinéma fantastique, l'un des films les plus forts émotionnellement, indéniablement, du cinéma fantastique. Bref, j'ai fini de gogol sur le film. Est-ce que cette séance était bien? Alors, bah, pour le coup, je vais pas Tu n'as rajouter pas pleuré? grand-chose. J'ai pas pleuré. Alors, il y a eu un peu d'humidité dans les yeux, mais j'ai Ouais. pas pleuré pour le coup. Dans la salle, ça pleurait quand même un peu. Alors la salle était pleine, Alors, chose étonnante d'ailleurs. je t'avoue que j'étais pas mal excentré, donc j'entendais pas trop si Bah, ça. alors la salle était pleine, mais pour le coup, alors moi, 3-4 fois dans le film, je disais non, mais on va y aller, ouvrez les vannes. Mais derrière moi, j'entendais aussi que ça reniflait fort. Et ce qui est amusant, par contre, c'est que beaucoup de gens. Alors c'est un film qui est dur à comprendre, pas dur à comprendre, qui a besoin d'un deuxième visionnage. Et beaucoup de gens n'ont pas compris la fin. Par contre, ils étaient en mode, j'ai pas compris. Je sais pas. Il y a un moment où. Alors, pour le coup, je trouve pas qu'il soit si compliqué à comprendre, notamment par sa fin qui Bah, est parce très que. Bah, explicative. alors, qui est pas très explicative, mais qui juste l'explique bien. Parce qu'après, effectivement, t'as un élément clé dans le film, qui est un élément narratif pivot, qui est désigné par la fin. Mais après ça, tu peux aussi qu'on. T'as aussi beaucoup de points que tu peux placer sur, ah, mais tel truc, c'est lié à tel truc. Enfin. On n'en dit pas trop parce que c'est vraiment un film un peu comme The Invitation où il faut y aller sans trop savoir. Mais c'est effectivement un film qui gagne à être revu, par contre. Oui. À noter également, si vous avez vu l'abominable remake, l'horrible Vanilla Sky, c'est le nom complet du film, hein, c'est l'horrible Vanilla Sky. C'est comme Laurent Lafitte de la comédie française. Ouais, c'est mandatoire, il faut le dire en entier. N'ayez pas peur de voir l'original parce que ça fonctionne toujours très bien, ça fonctionne toujours extrêmement bien. Ça fonctionne même infiniment mieux que l'original et l'horrible Vanilla Sky prend son nom complet une fois qu'on a vu l'original. Et après ça, on s'est séparés à nouveau. Car que de difficultés. C'est ça. Alors, on a passé tout le reste de la journée séparés, pour le coup, après ça. Ouais. Mais toi, tu es allé voir, ou plutôt revoir, Impetigore Impetigore de de Jocko Joko Anwar. Anwar. Bah alors, c'est peut-être lui, mon Jocko Anwar préféré, en toute honnêteté, parce qu'il arrive à être cruel, il arrive à être effrayant, il arrive à être d'une beauté plastique absolument à tomber par terre. Et encore une fois, le rapport à la religion dans le cinéma de Jocko Anwar et dans la politique indonésienne à travers le cinéma de Jocko Anwar prend une toute autre saveur ici. Alors, Impetigore, donc c'est cette histoire de deux jeunes femmes qui, l'une d'elles, en apprenant que la maison de ses parents, et enfin, qu'elle a hérité de la maison de ses parents décédés, décide de s'y rendre, peut-être dans l'espoir de la vendre et de se faire un petit peu d'argent. Ça rappelle beaucoup Welcome Home Baby. Exactement. Et bref, ça va partir en cacahuète globalement. Ça implique la religion, du vaudou, enfin des mécaniques de poupées vaudou et des scènes gore particulièrement C'est éprouvantes. dans le nom, hein. C'est un film qui est oui. C'est un film qui est vraiment très très rentre-dedans sur le côté graphique, en allant même explorer des territoires que je n'ai pas vu explorer dans d'autres films. Il y a des images purement graphiques de ce film qui restent, qui marquent et que je revois parfois la nuit lorsque je ferme les yeux, mais qui, toute blague mise à part, sont extrêmement impressionnantes, extrêmement percutantes. Donc ouais, bref, Impetigore, on l'a déjà dit, on le redit, il y aura très probablement un épisode d'Indonésie un jour. Jetez-vous sur le cinéma de Joko Anwar et Impetigore est peut-être, je sais pas ce que t'en penses, parce que tu l'as vu aussi, mais peut-être Oui. la meilleure porte d'entrée dans son cinéma, parce que Satan's Slave est peut-être pas trop hystérique, mais étonné que ça ne serait-ce que aussi par son, on l'a pas mentionné, par son statut de remake, donc en tout cas de réinterprétation d'un film des années 60-70. Impetigore, je trouve, est un très bon pas dedans qui arrive à combiner les extrêmes graphiques que l'Indonésie peut proposer plusieurs fois, parce que oui, en termes de cinéma gore, l'Indonésie, ça, bon, ils savent faire. Le côté plus effrayant, l'ésotérie, l'imagerie, la mythologie aussi, que ce cinéma-là peut convoquer. Je sais pas ce que tu en penses. Bah totalement, bah après c'est aussi tout l'intérêt de la folk horror, c'est aussi de proposer justement une imagerie qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Alors, je dis folk horror avec un regard de français, pour les Indonésiens ça ne l'est pas, Oui, bien sûr. évidemment. Mais ça va invoquer effectivement. Des motifs exotiques auxquels on n'a pas forcément l'habitude d'être confronté. C'est ça, ne serait-ce que l'importance de l'islam dans le pays qui fait qu'énormément de rites religieux dans ces films-là sont musulmans. Donc, mine de rien. Ça change de tout le catoporn qu'on peut se taper aux US, en Occident Ouais, de manière générale. qui nous épuise depuis pas mal de temps. C'est vrai qu'on Ouais. fasse un épisode de juste cinéma catholique. Bah, on vous renvoie à l'épisode de l'exorciste aussi. Hein. Oui, effectivement. Effectivement, effectivement. Mais donc oui, donc bref, tout ça pour dire, Impetigore, c'est de la balle, foncez, foncez. Foncez, foncez. Et surtout, n'ayez pas peur, par la durée du film, qui touche les 2 heures, si je ne dis pas Ouais. de bêtises, n'ayez pas peur de ça et n'ayez pas peur du côté déjà du premier tiers, qui est un peu lent, qui prend son temps pour poser ses enjeux, et de par l'idée d'être confronté à des choses totalement autres. Totalement, on sait que la comédie et l'horreur sont les deux genres les plus durs à exporter. C'est un film qui se voit très bien, même sans être forcément au fait de toute la situation en Asie. C'est un film qui prend une autre saveur lorsqu'on la connaît, mais qui se voit très bien sans. Et pendant que toi tu étais à Impetigore, moi j'ai été voir Le Masque du Démon de Mario Bava. Ah, évidemment. Je le devais à Barbara Steele Après l'avoir rencontré. après l'avoir rencontré à l'étrange. Mais bah, alors c'était mon deuxième visionnage et honnêtement pas mal plus séduit que par mon premier. C'est-à-dire que le premier, alors je l'avais peut-être vu un peu jeune, j'avais vu à peut-être 19 ans dans ces eaux-là. Et alors maintenant avec plus de bouteilles, notamment en cinéma italien et en cinéma gothique. J'apprécie d'autant mieux le film. Mais oui, globalement, l'imagerie est impeccable, c'est-à-dire que toute la direction artistique, que ce soit les décors, les costumes, tout est évidemment magnifique dans ce film. Barbara Steele est magnétique, notamment avec ce regard absolument hypnotisant. Et bah après, c'est Bava, donc quoi dire de plus? Alors, j'avais dit dans le format court que c'était potentiellement le film qui avait inventé le giallo, c'est une des sources que j'ai vues. On m'avait repris dans les commentaires en me disant que c'était plus La femme qui en savait trop ou Six femmes pour l'assassin que Bava sort peu de temps après. Je crois que Six femmes c'est 64 à peu près dans ces eaux-là. Et la fille qui en savait trop, ça doit être 61, 2. C'est dans ces eaux-là, mais c'est une cinématographie et un pan du cinéma fantastique qui n'a absolument pas volé son statut culte, parce que ça, je trouve que c'est des films qui fonctionnent encore toujours très bien aujourd'hui. Oui, Qui ont parfois quelques effets pas cheap mais kitsch, ça on peut pas l'enlever, mais qui arrivent à déployer des ponts avec des genres plus actuels, on pense évidemment aux slashers, mais qui arrivent à créer des connexions avec des cinémas plus actuels et qui donc reste encore très pertinent et percutant aujourd'hui. Ce que je disais aussi dans l'épisode étrange, c'est que paradoxalement, le cinéma gothique italien de cette époque-là ressemble beaucoup plus au cinéma gothique états-unien qu'au cinéma gothique britannique. Ce qui est assez incompréhensible parce que notamment la géographie fait que les deux, enfin britannique et italien, devraient être plus semblables. Mais Après, il y avait des ponts de cinéma qui s'étaient déjà créés entre les deux pays, on peut penser au Western Spaghetti. oui, effectivement, effectivement. C'est des cultures de cinéma en tout cas qui avaient déjà tendance à communiquer. Après, je mettrais juste un point d'honneur, peut-être que tu pourras m'éclairer sur celui-ci. Mais si vous voulez démarrer Mario Bava, c'est peut-être pas le meilleur film. Non, Alors, effectivement. ça peut se voir vite, hein, mais peut-être que pour mettre un pied dedans, j'aurais plutôt recommandé Six femmes. Six femmes pour l'assassin ou Une hache pour la lune de miel. Ça, j'ai pas vu. C'est Une hache pour la lune de miel ou Oui, c'est ça, c'est. Nage sur la lune de miel. Ouais, c'est ça. Mais Ou ou La baie sanglante. La baie sanglante, La effectivement, baie sanglante qui est de loin le plus accessible. dans un délire beaucoup plus slasher. Ou si vous êtes plus dans le délire SF, peut-être La planète des vampires. Ah oui, effectivement. C'est pas le Mundo di Vampiro Je sais plus. où je me trompe totalement sur les noms, pas grave. Peu importe. Peu importe, peu importe. Mais en tout cas, jetez-vous vraiment sur le cinéma. C'est vrai que dans notre épisode Italie, on n'a jamais fait d'épisode Italie. Non. On a fait un épisode Argento, mais jamais Italie. Que d'épisodes à faire, que de. Terrore nello spazio. Ah, my bad, les titres italiens, c'est Planet of toujours. the Vampires en anglais, Bah, pardon. Planet of the Vampire, c'est celui-ci. Ça sonne toujours merveilleusement bien. Bref, jetez-vous sur le cinéma de Mario Bava, jetez-vous en général sur le cinéma italien de cette époque-là. Dites-vous que l'Italie, entre. C'est quelle année déjà le Masque du démon, rappelle-moi? 60. Ouais, entre 60 et Suspiria, c'est quand j'ai jamais la date dessus. 77. Ouais, voilà. Pour moi, dans cette quinzaine-là, c'est globalement imprenable. Voilà, moi, j'aime cette idée de me. Enfin, j'ai toujours cette idée que. Par période, il y a généralement un gars ou un pays qui arrive et qui ravage tout. Sur une certaine période, autour de Kwaidan, je peux placer ça au Japon. Sur cette quinzaine-là, je peux placer ça à l'Italie avec Kwaidan qui arrive quand même au milieu. Et Oui, moi, c'est 64, quoi, Eden, je ouais, c'est crois. ça. Et après, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, enfin, je crois pas l'avoir déjà dit à ce micro. Si, sûrement lors de présentation de Gérard May. Mais pour moi, celui qui arrive après Argento et qui canard de tout pendant 10 ans, c'est De Palma qui était imprenable au moment de son âge d'or. Et après, il y a son prochain film qui arrive bientôt, donc s'il te plaît, s'il te plaît, mets-moi des split screens partout. C'est vrai que l'Italie, sur cette quinzaine, vingtaine, c'est bah, globalement l'époque où t'as... Bah, au-delà de Bava, on en a parlé de Argento, mais c'est l'époque où Bah, t'as Fellini, t'as Fulci aussi, non? t'as T'as Fulci, Fulci? Fellini, Leone, Pasolini, enfin bref, c'est... Ouais, donc Voilà. bon courage pour tenir ça. Parce que littéralement, c'était cette espèce de vivier créatif où tout ce qui sortait, si ce n'était pas un chef-d'œuvre définitif destiné à rester dans l'histoire du cinéma fantastique, voire du cinéma tout court, rien de ça, c'était un minima ultra influent sur tous les autres, au point de créer littéralement un vrai culte, même Cannibal Holocaust, Oui, qui n'est. qui arrive en 80, mais... Mais qu'on peut raccrocher encore à ça, parce que Voilà, même bah. si le film est pas Poussons à très. 80, comme ça on est en plein inferno. Et hop, oh, parfait! Que de bon goût chez cet homme! Mais même Cannibal Holocaust, qui n'est pas un très bon film. On n'en a jamais parlé, mais qui n'est pas un excellent film, soyons Non. honnêtes. Mais qui est un film qui a, bon, je pense que son influence n'est plus à démontrer, jusqu'à même aujourd'hui, où dès qu'il y a un film de cannibale, ça va citer Cannibal Holocaust, quoi. Jusqu'à son faux remake non officiel par un réalisateur qui a eu des déclarations ô combien scandaleuses. Remake qui est sorti 2015. J'allais dire, dans les 2000, ouais, 2015, après un long development hell, mais ouais, qui jusqu'à ça, où c'est-à-dire que de 80 jusqu'à 2015, il y a. Tous les films de cannibales sortis dans cette époque-là, bah, c'est simple, ils ont un papa et c'est Cannibal Holocaust. Mais donc, pendant que tu étais, pardon, Au Masque du Démon pendant ce temps-là, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors c'est toi qui as démarré avant? C'est moi qui ai démarré Ah, pardon. légèrement avant toi, Pardon, pardon. et avec un film un peu plus court en plus, il me semble, mais c'était Nervure. Alors, Nervure, Le film de la compétition que cette fois-ci je n'ai pas vu. Il c'est ne manque ça. que deux. Non, il manque trois films de la compétition. Un qu'on n'a pas vu tous les deux, donc Planète. Planète, oui. Et moi il me manque deux, donc Nervure et Mother's Baby, qui a eu le Grand Prix, dont on parlera plus tard. Donc, Nervure, réalisé par Raymond Saint-Jean, si je ne dis pas de bêtises, c'est un film québécois. Et alors, je l'avais dit déjà dans le format court, mais ça parle à mon cœur de québécophile. Dès que j'entends du Joual, je suis aux anges. Bien sûr. Mais, Joual mis à part, c'est donc un film sur une femme qui va retourner chez ses parents, alors notamment pour leur présenter sa copine, mais qui va se rendre compte que son père est mort depuis quelques jours déjà, et que sa mère entretient une relation bizarre, pas amoureuse ou sexuelle, mais plutôt de l'ordre de la fascination ou de l'obéissance un peu maladive, avec son nouveau voisin. Alors, c'est un film qui a un postulat, je vais out le postulat maintenant, je ne l'avais pas out dans le format court, donc voilà, c'est le format court, on peut tomber dessus accidentellement, là si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi d'être sur cet épisode, donc on va outer le postulat maintenant, du body horror végétal. Le postulat peut être assez cool, mais Dans l'idée, c'est Groot version hardcore. c'est ça. Mais malheureusement, je trouve que le film manque un peu de folie, peut-être, sur ce concept. Ça va plutôt aller du côté de la poésie que peut proposer le body horror avec sa symbolique. Avec un côté très. Alors, j'ai entendu des gens se plaindre d'un côté anti-écolo du film. Ce que je peux entendre, ce avec quoi je suis pas d'accord, c'est autant anti-écolo que Poison Ivy, typiquement. Mais. Poison Ivy, le héros d'ici, hein, pas le film avec Drew Barrymore. C'est ça. Mais globalement, le problème du film va plus résider en qui choisit de faire subir telle chose à tes personnages et pas la motivation qu'il y a derrière. C'est notamment c'est plus le choix et le consentement derrière que les motivations en tant que telles. Je dis consentement, il n'y a rien de sexuel là-dedans, encore une fois, il n'y a pas de trigger warning à prévenir. Le film est assez safe à ce niveau-là. Mais c'est déjà donc oui, un film qui est assez timide dans son body horror sur une grande partie du film, qui est aussi très verbeux et aussi très répétitif, notamment sur la structure des scènes avec la mère qui a des petits problèmes de mémoire. Alors, encore une fois, pour moi, c'était contrebalancé par ce joual dans certaines de ses répliques. Mais j'entends que déjà. Alors, c'était diffusé sans sous-titres pour un film québécois. Je sais que c'est assez peu commun. Je sais que quand Les Chambres Rouges étaient sortis en salle, typiquement, il était sous-titré. Même si c'était québécois. Je sais que quand la bande-annonce de La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé de Dolan s'est passée aux salles, c'était sous-titré aussi. Donc je sais que ça a potentiellement pu perdre certaines personnes, certaines expressions pas courantes dans le français, certains sociolectes. Mais à part ça vaut le coup, je pense. Nervure, ne serait-ce que par cette espèce de poésie que dégage notamment la toute fin du film et certaines relations entre les personnages, je pense notamment à la relation amoureuse entre les parents de l'héroïne, parce que du coup, le père est mort, mais le film est construit sur une série de flashbacks. Donc pareil, ça aide aussi beaucoup sur la fluidité du film, le fait de passer d'une temporalité à l'autre. C'est assez ludique et assez digeste. Mais à part ça, ouais, vachement verbeux, peut-être un peu timoré sur ce qu'il pourrait faire, mais sinon je vous le conseille. Meilleur film de body horror végétal, L'Héroïne de Carter Smith. Totalement, Dans sa totalement, version totalement. longue. Si vous avez toujours rêvé de voir un film. Alors là, par contre, vraiment, drift complet. Hein. Mais vraiment, si vous voulez un putain de film d'horreur viscéral, ultra gore, méchant, cruel, bourrin, surtout dans sa director's cut, et méconnu, L'Héroïne de Carter Smith. Et j'insiste vraiment sur la director's cut parce que la fin change. C'est un peu comme The Descent, la fin de prévue de base est pas folle. Alors The Descent est catastrophique, hein, mais là elle est pas Non, folle. Disney, c'était la fin prévue de base Oui, non, mais qui est la réelle. fin qui a été diffusée, on va dire, a été pas diffusée aux États-Unis pour The Descent, mais you get my point, est pas folle. La fin, l'autre, bien cruel, bien méchant comme on aime. Et donc pendant ce temps-là, tu as été voir. The Thing with Feathers. Alors, c'est un film que j'avais théorisé comme étant un Babadook avec Benedict Cumberbatch. Oui et non. Alors, Benedict Cumberbatch, évidemment exceptionnel, c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération, c'est un des meilleurs acteurs du moment, c'est un acteur fabuleux. Challenge, trouver un rôle où il est mauvais, difficulté impossible. On pourrait arguer que Doctor Strange 2, mais le rôle lui va suffisamment bien pour qu'il arrive à en faire quelque chose. Mais en gros, il va jouer un père endeuillé qui va apprendre à se reconstruire avec ses deux enfants et qui va recevoir la visite d'une créature qu'il avait auparavant dessinée, une espèce de corbeau géant. Alors, j'ai à la fois un coup de cœur immense pour le film et en même temps beaucoup de réserves. Coup de cœur immense parce que j'aime ce que le film va développer, non seulement sur le deuil, mais in extenso sur la perte de l'être aimé, le fait de ne plus avoir cette présence et par conséquent cette émotion à ses côtés, le fait de se retrouver complètement vide émotionnellement, c'est quelque chose qui me touche et qui me parle vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup ce qu'il en fait parce qu'il arrive à tracer quelque chose qui est très très intimiste, très délicat sur ce sujet-là, qui arrive à vraiment toucher du doigt plusieurs scènes, une certaine candeur, une certaine innocence presque qui est liée à cette perte-là. Et à côté de ça, la présence du corbeau, je trouve, arrive à plusieurs fois de faire des choses vraiment vraiment assez dingues, vraiment assez bien vues, assez pertinentes et presque même trop pertinentes parfois parce que le corbeau est un peu lourd. Mais à côté, et ça m'a un peu apparu en discutant avec deux trois personnes dans le festival et à réflexion, c'est quand même un gros film de branleur de Sundance. C'est-à-dire que c'est un film qui non mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est un film qui adore se regarder filmer, c'est un film qui adore dire que c'est des métaphores, en fait c'est un film qui va dire plus que, c'est un film qui va parler beaucoup de choses plus que les montrer. Je dis pas ça dans le sens de show don't tell, je dis ça dans le sens de ton message c'est très bien, mais fais un film à côté. Et en ça je trouve que le long métrage est bien trop aléatoire, bien trop irrégulier entre sa partie narrative horrifique, enfin horrifique, fantastique plutôt, et vraiment émotionnelle qui est saisissante et vraiment très très très bien construite, très bien développée, très bien amenée et surtout surtout surtout très bien écrite dans son minimalisme. Et à côté de ça, le côté vraiment un peu branlette de Sundance de ah non, on va parler de sujets importants, on va le faire avec des métaphores. C'est un enfant d'un 24. C'est un enfant d'un 24. Tu dirais qu'il est elevated, le film? Ouais, il adorerait se dire elevated, mais en fait, c'est un enfant d'un 24 qui c'est à la fois, c'est quelque part l'enfant parfait de The Witch et Hérédité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le côté vraiment touchant, comment dire, presque intimiste que le film va développer avec son spectateur qu'on peut avoir dans The Witch. Il y a le côté efficace, beau, puissant que peut avoir Hérédité. Et à côté, il y a aussi l'idée un peu branlette que vont développer les deux films. Donc, bref, pour le meilleur ou pour le pire, je pense. Je suis étonné que le film n'ait rien eu. Je suis très étonné que le film n'ait rien eu parce que pour le coup, il a beaucoup plu. Et Il partait en favori pour le prix du public il au partait moins. en grand favori, effectivement. Donc, comme quoi, on peut toujours se tromper sur les pronostics. Mais assez étonné que le film n'ait rien eu. Mais, malgré mes réticences et mes réserves sur la tonalité générale du métrage, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le voir, surtout si c'est des thématiques et des idées qui vous parlent, parce que ça faisait longtemps qu'un film n'avait pas, je trouve, cristallisé aussi bien une idée à la fois concrète et abstraite, comme l'absence d'être aimé à ses côtés. Bref, après Thing with Feathers, toi tu les allais rattraper, donc on peut passer rapidement dessus, même si, ça a été une plutôt bonne surprise pour toi, si je ne me trompe pas, tu les allais rattraper un certain film de vampire. En effet, j'ai enfin rattrapé Silence d'Eduardo Casanova. Alors, Casanova, donc toi tu avais vu le film au pif. Au pif, qui nous avait fait une petite vidéo sur ses toilettes, enfin Ouais. partie sur ses toilettes, et il devait être présent, mais il ne l'a pas été Il finalement. ne l'a pas été parce qu'il bossait sur son prochain film, mais il nous a quand même fait une vidéo. Il est productif le garçon. C'est ça, donc pas la même que celle que vous avez eue au pif, puisqu'il l'a faite exprès pour Jaramé. Étant symbolique pour lui, puisqu'il avait eu le Grand Prix à Jaramé en 2023, Avec si je dis pas de bêtises, il y a quelques années de avec La cela, Piedade. avec la Pietà. Piedade dans son titre original, Pietà dans son titre mondial, effectivement. Et alors, c'est un film qui m'a globalement plutôt bien conquis, Silence. Alors, notamment par sa direction artistique, que ce soit l'usage des couleurs, donc que sont le rouge pour le sang, le rose pour le sida, qui est une des thématiques du film. Qui était surnommée visiblement la peste rose à l'époque en Espagne, mis en opposition du coup rouge-rose, la couleur logique étant le blanc, effectivement, comme ce qu'on retrouve beaucoup dans la Piedade, mais dans un aspect beaucoup plus digeste dans ce film-là, notamment le fait qu'il dure moins d'une heure, c'est génial. Il dure 50, 56, 57 minutes dans ces Ouais, eaux-là. dans ces eaux-là. Et autre chose qui m'a pas mal séduit dans le film, c'est l'humour, alors notamment sur le premier épisode, parce qu'en gros c'est une mini-série recompacté en format film. En un seul film. Mais donc, ce qui est censé être le premier épisode de la série, et je trouve très drôle notamment l'échange entre les quatre sœurs vampires, qui moi me fait quand même beaucoup rire. Et au-delà de ça, le design des vampires. Alors, autant les vampires avec des incisives à la place des canines, ça on l'a pu voir notamment dans Nosferatu, mais ces doigts, les doigts de ces vampires. Qui font à peu près 1,50 m. C'est ça, si vous vous rappelez des doigts saucisses dans Everything Everywhere All at Once, c'est un peu ça. C'est ça, globalement. Mais perso, c'est un design que j'avais jamais vu pour des vampires, cette espèce de. Mais pareil pour le crâne qui est bah pour le coup littéralement moulé sur un crâne, y a pas de, on a l'impression qu'il n'y a pas de peau et de chair autour, quoi. C'est pour le coup, je trouve, très très réussi. C'est un film qui surnage globalement grâce à sa DA et ses designs. C'est Je sais ça. pas si c'était pareil sur la Pietà, mais moi c'est vraiment le souvenir que j'en garde de Silence, cette espèce de film complètement baroque, complètement ubuesque, presque plus par l'approche esthétique et par l'approche plastique, in extenso, que par l'approche narrative, parce que finalement, narrativement, alors je peux dire que le film est convenu, c'est faux, parce que c'est vraiment un cinéma qui ressemble qu'à lui-même, ça on peut lui donner, mais c'est finalement une narration qui est beaucoup plus conventionnelle, pourrait-on dire, que ses décors et que sa direction artistique. Oui, mais contrairement à la Piedade, il a l'intelligence de ne pas se pense justement, de pas se penser justement trop intelligent. Et surtout, encore une fois, de le faire dans un format beaucoup plus réduit. Beaucoup plus digeste, pourrait-on dire. Ça. Parfait, parfait, parfait. Et donc, est-ce qu'on a fini sur ce genre-là? Et alors, juste, non, alors, toi, il te reste un film après, Oh oui, bien mais sûr, bien juste, sûr. c'est aussi un cinéma qui est éminemment queer, le cinéma de Casanova, justement. Go, go, on soutient, go. Voilà, mais donc oui, le film transpire la queerness, ça on peut le dire, notamment dans son dernier tiers, avec le personnage de la fille qui a une relation avec bah, cette femme qui s'avérera avoir le sida, et Ouais. bref, toute la symbolique qui va avec. C'était déjà présent dans la Pietà ou pas? Cette approche très queer, très élégamment irrégulière, presque pourrait-on dire. Dans le meilleur sens du terme, évidemment. Alors, t'avais un peu ça, mais t'avais plus le côté élégant qui se croit intelligent. Ah, ok. Ouais. Alors, qui a quand même des thématiques, la Piedade, notamment sur la maternité toxique, disons la surprotection de l'enfant, tout ça. Mais on a compris. Au bout d'un moment, on a compris. Surtout que la Pietà a duré 1h30, 1h40. Ouais, à peu près, ouais. Donc moi, effectivement, il me reste un dernier film derrière, Oui. Viraloka, Crazy Old Lady. Donc film qu'on avait raté au pif, hein, film produit par Juan Antonio Bayona, qui, pour moi, pour nous, pour toute personne ayant des yeux, et qui aime le cinéma, est un gage de qualité. Alors, Juan Antonio Bayona, on n'en a jamais parlé. Il faut. C'est vrai. Parce que c'est l'orphelinat, chef-d'œuvre, parce que c'est quelques minutes après minuit, bourrin, mais chef-d'œuvre, par contre putain, à ne pas voir si vous êtes endeuillé, parce que ça peut aller chercher des trucs un peu méchants. Jurassic World Fallen Kingdom, compliqué. Très beau, mais compliqué. Scénaristiquement, complètement teubé. Aussi beau qu'il est con, et putain il est beau quoi. Ouais. Mais vraiment il est très con. Par contre, film qui est globalement cannibalisé par sa propre franchise qui a encore besoin de ressortir la même mécanique de et en fait il y a un dinosaure mutant modifié et qui se termine en plus sur une promesse méga riche quand même et qui promesse pas du tout deliver par le troisième film de la C'est saga. ça. Là où en plus le premier Jurassic World avait au moins pour lui d'avoir un mutant un peu méta. Oui, c'est ça, et puis Là où bah celui-là c'est un mutant beaucoup mutant. on peut arguer que c'est le meilleur de sa trilogie. Oui. Pour le peu que ça veuille dire. Quadrilogie maintenant. Il y a un troisième, quatrième. Ah oh, oui, c'est vrai, il était m'a tellement marqué un coup, il n'était pas désagréable, mais j'avais oublié. Bref, et également réalisateur dernièrement du Cercle des Neiges sur Netflix, excellent film. Bref, la Viraloka, beaucoup d'attentes dessus. La scène d'intro est exceptionnelle. La scène d'intro est fabuleuse. C'est une scène d'intro qui va poser cette idée de jeune mère de famille qui va avoir. Maya, enfin, qui va voir Maya partir avec sa mère, qui a Alzheimer, et qui va demander à son. Enfin, donc la mère de famille va demander à son ex-compagnon de venir veiller sur la maman, sur la vieja loca. La vieille folle. Voilà. Et le problème, c'est que la scène d'intro est peut-être la meilleure du film, parce que la scène d'intro arrive de façon très insidieuse, très, très discrète et en même temps très fourbe. À ancrer l'angoisse toute naturelle que peut créer cet Alzheimer, cette irrégularité de la pensée, et donc de la mémoire, et donc de la pensée, cette sorte de barrière qui saute petit à petit jusqu'à libérer quelque chose auquel on n'a pas forcément envie de se confronter ou d'être soi-même victime. Le problème, c'est que le film va s'effondrer petit à petit, va se dégonfler au fur et à mesure que le film passe, et si il y a effectivement une ou deux scènes légèrement trashouilles, le film ne va jamais réussir à vraiment avancer ou à vraiment transformer l'essai, pourrait-on dire, jusqu'à ce qui pour moi est une apogée de l'ignoble, à savoir qu'il y a une scène de viol dans le film, et en fait j'ai l'impression que ce que là où le film avait une clé hyper intéressante pour traiter l'Alzheimer, avait un chemin somme toute tracé pour parler de ces dégénérescences, de ces irrégularités de la pensée, de la mémoire, de cette peur somme tout à fait naturelle de l'humain qui vacille, de la pensée humaine qui lâche, finalement, bah le Viraloka ne va jamais vraiment réussir à le traiter parce qu'il va préférer s'enfoncer dans une espèce de relent bis, jamais vraiment efficace, jamais vraiment percutant. Et cette scène de viol ne fait que confirmer cette impasse dans laquelle le film se retrouve à ne pas avoir les épaules nécessaires pour aller confronter son sujet, tout en n'ayant pas le vice requis pour aller à fond dans le bis ou dans le crapoteux. Bref, le film est un peu bloqué entre les deux. Il reste l'actrice principale, Belén Rueda, je crois, qui est brillante, qui est exceptionnelle dans le rôle. La musique est pas mal. La mise en scène est plutôt bien parce qu'en plus, le film s'inscrit dans une démarche presque gothique avec cette demeure. Victoriano baroque gothique étrange qui est vraiment très belle à contempler si on est amateur de ce cinéma-là. Mais le dernier tiers pour moi gâche vraiment Carmen tout. Maura. Carmen Maura, mon Dieu, Belén Rueda, C'est dans Les yeux de c'est dans Les Julia. yeux de Julia, ouais, c'est autre actrice brillante mais dont le rôle est différent, mon Dieu. Et jusqu'à cette fin que je trouve complètement Dans nonsensique. Orphelina aussi. Oui, bien vu qu'il joue le personnage principal. Jusqu'à cette fin que je trouve complètement nonsensique, qui n'a pas de besoin ni d'existence, qui ne développe rien au point que je me suis très sérieusement dit. Tout ça pour ça. Je me demandais s'il n'y avait pas une post-crédit ou quelque chose. Et non, bref, c'est un peu dommage. J'avais peut-être un peu trop d'attentes sur ce film-là et j'ai peut-être un peu trop d'attentes sur le cinéma de genre espagnol en général. Mais si vous voulez voir un film avec une vieille espagnole et qui est cool, bah voyez La Abuela. C'est pas parfait, mais ça reste vachement mieux. Bref, et on passe donc au jour suivant. Jour suivant, qui a donc été marqué par notre première séance, qui était une rediffusion, un focus à la fois sur Olga Kurylenko et sur Neil Marshall, à savoir Centurion. Alors, toi, c'était une découverte pour toi. Découverte totale, et peut-être un de mes plus gros coups de cœur de ce festival, c'est-à-dire que c'est un film qui. T'en avais très justement parlé dans le format court, mais c'est un film qui va avoir une structure en deux actes, du moins scindé en deux tons, le premier étant un film de guerre, le deuxième étant un survival assez nerveux. Précisons que c'est un péplum qui est dans la descendance directe de Gladiator, qui est basé sur les récits autour des légions en Angleterre qui ont disparu. Oui, pour maintenir justement l'illusion de grandeur de Rome. Et alors, déjà, cette construction en deux temps fait que le film est scinde, disons, sa dramaturgie en deux, et donc devient fatalement beaucoup plus digeste, déjà. Et aussi, le film est extrêmement plaisant de par son casting. On peut penser là, justement à Michael Fassbender, à Olga Kurylenko, évidemment, en Etain, ou même à Riz Ahmed, dans un petit rôle, ou à Imogen Poots, mais. C'est aussi un film qui va briller par sa. Alors déjà sa mise en scène qui est. Alors, avec un montage à la fois très nerveux, mais jamais illisible, ça c'est quand même assez fort pour être souligné, et surtout sa photographie très glaciale, vraiment très froide, qui fait énormément sortir les tons blancs et bleus, justement, pour faire ressentir vraiment le froid qui s'y déroule. Ce qui est aussi permis par les acteurs, puisque ils étaient vraiment en condition de on se pèle le yonf. Et c'est globalement pour moi une des grandes réussites du film, avec évidemment ses effets gore qui sont très très réussis, évidemment, des Neil Marshall. Et toi? Bah on peut qualifier ce film de sorte de cousin dégénéré, sous stéroïdes et affamé de Gladiator, étant donné qu'effectivement, il y a beaucoup d'effets gore qui vont être noyés dans ce montage assez voire. Qui va faire le choix de l'immersion auprès des soldats, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus cut que Gladiator. Par ailleurs, je trouve que les scènes de bataille ont infiniment mieux vieilli que certaines de Gladiator. Là où Gladiator, film que j'adore évidemment, mais revoyez l'intro, les plans en méga ralenti, avec le passage à 4 frames, ça. Non, non, non, faut arrêter. De même que les filtres glacés sur les mains dans les champs, là, c'est. Non, c'est pas possible. Mais bref, le film ne va jamais chercher à. Heureusement qu'il y a la musique. Voilà. Ouf, oui encore. Ne va jamais chercher à s'élever au-delà de son simple postulat de film bis, de simple postulat de film généreux, de simple postulat de film qui est là pour distraire le public. Mais qu'est-ce qui le fait bien? Qu'est-ce qui le fait bien dans sa première partie avec ses choix de films de guerre radicaux, ses choix de films de guerre méchants, cruels, bourrins? Et qu'est-ce qui le fait bien dans sa deuxième partie avec ce survival qui va presque aller lorgner du côté d'Apocalypto en allant vraiment immerger ses personnages dans cet environnement cruel et poursuivi par cette figure féminine qui est d'ailleurs, j'en avais parlé très rapidement dans le format court, mais Sydney Marshall, ça a toujours été un cinéaste du féminin. Alors, pas dans Dogs Soldiers, ok, mais The Descent, peut-être un des films féminin, avec un casting féminin, en tout cas, et une écriture autour du personnage de la maîtresse, faudrait que j'y revienne un jour, qui est passionnant et qui est vraiment un film extrêmement réussi sur ce sujet-là. Centurion va trouver dans le meilleur personnage, va trouver son meilleur personnage dans celui d'Olga Kurylenko, à savoir Etain, qui, je trouve, malheureusement, n'a pas de fin à la hauteur de son personnage, puisque elle ne parle pas, pour de multiples raisons, mais par son regard, par sa gestuelle, par ses actions, par son développement, par sa narration, je trouve, par sa trajectoire, arrive à vraiment créer une présence et à être particulièrement marquante et particulièrement glaçante, même, à plusieurs reprises. Et dans la suite, alors, Hellboy, c'est autre chose. Hellboy, c'est autre chose, il ne l'a pas écrit, mais après la suite de sa carrière, qu'on aime ou pas, sont toujours tournées autour de la figure féminine interprétée par Charlotte Kirk, sa femme. Bref, Centurion, c'est peut-être un de ses meilleurs films. Alors, il sera toujours victime de son chef-d'œuvre, à savoir The Descent, mais c'est peut-être un de ses meilleurs films, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans les choix esthétiques, que ce soit dans l'usage de la violence graphique, mais également par l'approche politique, puisque c'est un film qui va irrémédiablement renvoyer à l'Irak, qui va immédiatement renvoyer au statut de soldat, notamment dans cette fin qu'on ne vous dévoilera pas ici, mais qui, je trouve, permet de rajouter sur ce somptueux gâteau aux tripes une petite chantilly politique bien placée, bien vue, bien perceptible et qui, en plus, est très claire sur ses idées. Bref, Saint-Germain, c'est un film que je trouve ô combien mésestimé dans la filmographie de Neil Marshall. Jetez-vous dessus, c'est passionnant, surtout que le film dure à peine 1h30, et en 1h30, il se passe 450 milliards de choses, vous ne le regretterez pas. Et c'est peut-être aussi un des meilleurs rôles de Michael Fassbender. Oui. Et alors, après ça, on a eu un petit temps sans film, puisqu'on a eu la masterclass de Neil Marshall. Exactement. Alors, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été parlés. Évidemment, Fuck AI, il a conclu Oui. sa masterclass sur ça. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Nadja, il nous a parlé simplement de son parcours, de son approche qu'il a autour de son cinéma, le fait qu'il a tous ses films tatoués sur les bras, alors tous sauf un, parce qu'il les a tous les films qu'il a écrits sont tatoués sur ses bras. J'avais oublié Doomsday aussi en figure féminine, l'héroïne. Donc tous sauf Hellboy. Tous sauf Hellboy. Également, alors, je vais outer tout de suite, j'ai pu lui demander sur Werewolves in London. Alors, Werewolves in London, il l'avait annoncé en septembre-octobre 2024. Ça date un peu. Mais il avait dit qu'il n'y aurait probablement jamais Dog Soldiers 2 pour des questions de droit. Il y avait eu un poster concept qui s'appelait Dog Soldiers 2 Underdogs. Un poster pas très beau, mais si on est fan du Dog Soldiers, personne de goût que nous sommes, on a envie de voir ça. Et donc je lui avais demandé, et il m'a dit ne jamais dire jamais. Donc peut-être que les droits de Dog Soldiers sont enfin libérés. Mais aussi et surtout, il a dit qu'il avait envie de refaire un film de loup-garou, que ce soit dans l'univers de Dog Soldiers ou pas, il avait envie de le faire, il est en train de plancher dessus. Bref. Fan de Dog Soldiers, Assemble, ça arrive peut-être, ça arrive peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des avis, des remarques, des choses qu'il a pu dire qui t'ont marqué lors de cette masterclass? Déjà, comment la production de Hellboy s'est dépassée, notamment. Je te laisse donner quelques détails. Le fait que, globalement, il était déjà tiraillé, enfin, déjà il avait la pression de passer après Del Toro. Voilà, pression normale, hein, légitime. Oui, et aussi qu'il était tiraillé entre deux producteurs qui, alors l'un voulant faire vraiment un truc proche de Del Toro, l'autre proche des comics. Ce qui fait qu'il s'est un peu retrouvé comme un gosse pendant un divorce, et que c'était pas une position facile, qu'il a essayé de se démêler avec tout ça, et qu'il est conscient des limites de son film. Même si, je l'ai revu peu de temps après le festival pour écrire quelque chose qui va bientôt sortir sur le site. Je l'ai revu là, il y a de ça, on est vendredi, donc je l'ai revu il y a 2 jours. Alors, c'est pas un bon film. Soyons honnêtes, c'est pas un bon film. Mais, il y a plusieurs fois, il y a plusieurs choses qui ressortent où. Déjà, moi j'aime bien la patte Neil Marshall, donc tout naturellement le film est gore à non plus savoir que faire. Mais il y a plusieurs passages, plusieurs idées très bis qui, je pense, sont plutôt bien vues, notamment les passages dans le royaume des démons, les passages avec le Hellboy forme complète, pourrait-on dire. Même la fin, en fait, la fin avec les démons dans Londres, c'est à la fois de très mauvais goût à cause du gore numérique et parce que honnêtement, c'est un peu gratos. Et en même temps, bah, dans les designs ou dans les situations que ça va amener, il y a un truc que ça va changer. Donc voilà, le film est pas bien, mais alors sur le clair, des 4 Hellboy sortis, c'est le pire. Ça, on est clair. Mais Pire ah, que... pire, moi, je trouve pire que le Brian Taylor. Pas vu. En fait, le problème du Brian Taylor, c'est qu'il est cheap. Il est vraiment très cheap. Même si bah, Brian Taylor qui fait Hellboy, ça devrait être une évidence. Bon, on savait pas tant que ça. Mais effectivement, il avait parlé de son Hellboy qui était problématique. Qui avait une production problématique. Donc il avait parlé de ça, il avait aussi parlé de comment il avait pu produire son premier film, avec notamment un mania des conserves de Des maïs, épinards. d'épinards, Des d'épinards. épinards, d'épinards, d'épinards. Dog Soldiers. Voilà, Dog Soldiers se fait grâce à des conserves. Grâce à des épinards. Merci, Jean Robert. Mais voilà, plein de choses, alors on n'en dira pas plus dans l'éventualité où peut-être Gérard Mé On voudrait... rediffuse la masterclass qu'on vous invitera évidemment à voir parce que Neil Marshall, qu'on aime ou pas son cinéma, je trouve que c'est quelqu'un qui a un regard sur son œuvre, un regard sur le cinéma qui est sain, en toute honnêteté, qui est sain et qui en plus a une simplicité d'approche, d'accès et de regard qui est vraiment, vraiment très, très agréable dans cette sphère-là. Et également, mentionnons qu'il a parlé de Doomsday et on sentait qu'il avait beaucoup d'affection, enfin je sentais, enfin, je sais pas si tu regardes sur ça, mais qu'il avait beaucoup d'affection pour Doomsday, qui est son plus gros budget, de très loin, et qui est pas son film le plus adoré, qui est un film complètement, complètement bis, mais genre vraiment bis fois 10 000. C'est-à-dire que c'est un film qui, toutes les 2 minutes, doit relancer l'attention de son spectateur, que ce soit avec un gladiateur, un camion ou une explosion. Et personnellement, je sentais quand il en parlait qu'il y avait une vraie sincérité dans l'amour qu'il portait à ce film, dans les souvenirs qu'il gardait de ce film-là, une espèce d'amusement presque enfantin dans ce film-là. Donc bref, je trouve que c'est quelqu'un. En tout cas, ça a l'air d'être un humain très attachant. Je Oui. comprends Charlotte Kirk. Et bah, on a pu s'attacher à lui puisque on a pu prendre des photos avec cet adorable être humain. Peut-être qu'on les postera au moment de la sortie de l'épisode, hein, peut-être une ou deux photos en story, Oui. qui était effectivement, qui en plus était resté sous la neige pour faire des dédicaces à tout le monde, pour prendre des photos, etc. Neil, si tu entends ça un jour, je t'aime. C'est ça. Je Moi t'aime. aussi. Et ouais, nos éditions physiques de Doomsday, Centurion et The Descent s'en rappellent S'en encore. rappelle encore, mais bref. Jetez-vous sur le cinéma de Neil Marshall si vous aimez le cinéma bis, et si vous n'aimez pas son cinéma, regardez au moins ce qu'il peut dire. C'est quelqu'un qui pour moi dont pour moi le cinéma est important et qui je trouve a un regard qui mérite d'être entendu, d'être écouté. Et de The Descent à Message à caractère affirmatif, il n'y a qu'un pas, et ce pas étant Olga Kurylenko, puisque le soir, on a eu la présentation du film Alter Ego, réalisé donc par Nicolas et Bruno, En leur présence. leur présence, en la présence de Kurylenko, et surtout avec, juste avant le film, la remise d'un prix d'honneur pour sa carrière à Olga Kurylenko des mains de Neil Marshall. L'impression qu'il y avait 2 prix d'honneur remis lors de cette édition. Il y avait donc le prix d'honneur remis à, donc comme tu l'as si bien dit, à Olga Kurylenko des mains de Neil Marshall. On la sentait très émue, Oui. je trouve, par cette remise, avec suivi d'un discours que je trouvais très juste et très très touchant, notamment sur le rapport à la France. Et très rapidement, il y a eu également la remise de prix pour Joko à Noir des mains de François Coe, journaliste pour lequel j'en ai déjà parlé, mais il y a une certaine admiration présente ici, et qu'on salue évidemment s'il nous écoute. Et qui, bref, 2 remises de prix que je Donc juste trouvais. avant la séance de Team Feathers. Thing with Feather, effectivement, ça m'était sorti de la tête, mais dans une. Qui était. Je trouvais très émouvante, très touchante et très. Très sincère, en tout cas dans la démarche, là où les remises de prix et les cérémonies en tout genre, c'est pas souvent des choses qui m'intéressent, en toute honnêteté. Ne me demandez jamais mon avis sur les Oscars, m'en fous, globalement. Mais je trouvais que dans ce cadre-là, dans ce contexte-là de cinéma fantastique, et donc de public dévoué à ces personnalités-là, je trouvais que ça prenait une saveur, une dimension toute particulière, et que donc c'était d'autant plus important, d'autant plus émouvant et d'autant plus touchant. De voir ça, surtout suivi du discours de Kurylenko, qui était, je trouve, très très marquant. Très marquant. Et donc, Alter Ego, cette histoire de voisin chauve qui rencontre son sosie parfait avec des cheveux, et ça tourne mal, alors tu es bien plus au fait que moi du cinéma de Nicolas et Bruno, qu'en as-tu pensé? Alors déjà, si vous êtes au fait et si vous aimez ce qu'ont fait Nicolas et Bruno, vous retrouverez beaucoup de choses de leur cinéma, notamment la Cogip, notamment une phrase, la tagline de Message qui est donc c'était vraiment très intéressant qu'on retrouve aussi dans le film, prononcée par, si je ne m'abuse, Zabou Breitman. C'est, je peux me tromper, attends. La directrice de la Cogip? Oui. Zabou Breitman, ouais. C'est ça, c'est ça. Et au-delà de ça, c'est donc un film qui va briller par ses comédiens, sa direction d'acteur, notamment en tête évidemment Laurent Lafitte de la Comédie-Française, dans ce rôle de voisin frustré qui se chauve et dont le mariage se casse la gueule, qui va jalouser justement le deuxième rôle principal, à savoir Laurent Lafitte de la Comédie-Française, qui est cette espèce de cliché de l'homme de banlieue pavillonnaire à qui tout sourit, à qui tout réussit. Et qui va d'ailleurs se traduire dans leur femme parce que le chauve étant avec Blanche Gardin et le chevelu avec Kurilenko, Blanche Gardin ayant déclaré d'ailleurs à Nicolas et Bruno, je suis Olga mais en moins cher. Et qu'as-tu pensé de l'humour, du film, du tempo comique des comédiens? Parce que autant Blanche Gardin, on la connaît pour ses spectacles, et même pour quelques films avec un humour très décapant, pourrait-on dire, c'est pas un humour qui parle à tout le monde, c'est pas assez peu dire. Autant Laurent Lafitte, on l'avait vu dans quelques comédies, on peut penser à Papa ou Maman 1 et 2, réalisé par Martin Bourboulon, à qui on doit les infâmes Trois Mousquetaires. Mais à contrario, Olga Kurylenko, c'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît, en tout cas, qu'on identifie comme actrice de comédie. Toi qui es Anou, qui est plus au fait de leur cinéma, maintenant, moi c'était une découverte totale, j'avais rattrapé quelques messages à caractère informatif, mais absolument pas tous, c'était vraiment par-ci par-là. Qu'as-tu pensé de ça? Alors effectivement, le tempo comique, c'est primordial chez Nicolas et Bruno, c'est notamment ce qui a fait tout le sel de Message, mais aussi de leurs autres détournements. On peut penser à la saison 2 de Message, mais aussi à Amour, Gloire et Débat d'idées, ou même au très drôle, et ça vraiment je maintiens que c'est une de leurs plus belles créations, À la recherche de l'ultra-sexe. Donc détournement de films pour adultes. C'est ça, ce qui était sorti pour les 30 ans de Canal+, où on leur avait dit, en gros Canal avait pour mission de mettre à l'honneur ce qui a fait la fierté de Canal, enfin plutôt la gloire de Canal, tout au long de son histoire, et Canal ayant eu, justement, pour chaque premier dimanche du mois, je crois, un film porno qui passait, je sais plus si c'était en clair ou en crypté. Ah bah Je crois c'est que c'était en simple, crypté. vous regardez la date de la légalisation de la pornographie en France et vous regardez le rythme de programmation après. C'est fou, c'est comme si tout était déjà en stock et prêt à diffusion. Eh, c'est bizarre ou pas l'équipe? Il y aurait un truc à écrire, un truc à écrire ou à faire sur ça, sur l'histoire du porno en France et sur la façon dont ce cinéma-là, et oui, j'ai bien dit cinéma-là pour parler de ça, dont ce cinéma-là a influé, voire sauvé le cinéma français, et je suis très sérieux dans ce que je dis, vous regarderez les chiffres de fréquentation. Et d'ailleurs, je vous renvoie au film La chatte à deux têtes, Wow. qui est. Alors, ça peut sembler bizarre, en fait, c'est un film où on va suivre les pérégrinations des clients d'un cinéma porno. Oh, ça date de quand à peu près? Je crois que c'est années 90, mais en fait, au début 2000, genre 2002, mais tout est filmé du point de vue de la caissière du cinéma. 2002, 2002. de Jacques Nolot. Ah! Nolo comme Eric. J'espère pas. Ouais, j'espère pas non plus. Sur un cinéma qui, en plus, je crois, s'apprête à fermer. Donc, mine de rien, assez touchant par rapport, notamment en opposition à son sujet, quoi. Mais donc, on a drifté, on parlait de la recherche de C'est bon, l'ultra-sexe. aucun lien. J'ai fouillé, aucun lien. Ok. Nous parlions de la recherche de l'ultra-sexe, effectivement. Mais bref, le tempo comique de Alter Ego est une des grosses qualités, t'en parlais en sortant de la salle, mais notamment pour le personnage de Kurilenko. Qui va sortir de son personnage de femme parfaite pour quelques séquences, ma foi, assez mémorables. Et aussi quelques séquences du film ne seront pas sans rappeler Destination Finale, notamment une scène qui implique une scie circulaire. Ils avaient déjà parlé de leur amour pour cette saga, notamment dans la saison 2 de Message, notamment en détournant un film d'entreprise de prévention sur les accidents de travail en fausse bande-annonce de Destination Finale. C'est du génie, voyez cet épisode-là. Mais globalement, oui, le film a un humour très piquant, très acide, très méchant avec son personnage principal qui. Qui sombre peu à peu dans la paranoïa. C'est ça, alors que tout laisse à supposer que. Alors c'est bizarre, tout laisse à supposer au début qu'il y a quelque chose contre lui et au final. Bref, il va beaucoup alterner entre ces deux-là. Et avec cette fin des plus acides qui. Pas le film, le qualificatif. Oui. Qui est pour moi une de ses grandes réussites, avec évidemment son casting, sa direction d'acteur. Toi, qu'en as-tu pensé? Bah écoute, on en avait déjà parlé, on en parlait même avant le film, je ne suis pas amateur de comédie. Je rigole pas devant Philippe Lachaud. Je rigole peu devant certaines comédies cultes. Moi, il y a évidemment plusieurs comédies devant lesquels je rigole franchement, hein. Je peux penser à la Cité de la Peur, parfois, ça dépend, parce que le côté trop ressorti et trop détourné, on va dire, de beaucoup de répliques a tendance à un peu me casser les roustons, pour dire ça poliment. Mais voilà, je peux rire franchement devant beaucoup de comédies, mais c'est pas un genre dans lequel j'ai beaucoup d'expérience, c'est tout pas un genre sur lequel je suis très très au fait. Je suis beaucoup plus amateur de viande sur les murs que de blagues à table, par exemple. Ah, t'as préféré ton Borat, je Ah pense. ouais, bah, une de mes comédies préférées, c'est probablement Borat. Alors, sous réserve de, quand même, parce qu'on connaît les avis de Sacha Baron Cohen sur certaines choses. Bref, et je suis sorti plutôt très convaincu de Alter Ego. C'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais c'est un film qui, je trouve, arrive à toucher du doigt un certain type de personne, un certain type de cadre de vie, un certain type d'humour, un certain type de vie en général, et à ironiser de façon à la fois inoffensive et en même temps plutôt corrosive, incisive et bien vue. Dessus, je trouve que ce que fait Laurent Lafitte est vraiment assez dingo. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi drôle. Il arrive lui-même à jouer sur son image de collègue beau gosse absolu, c'est-à-dire l'archétype du bah il fait tout comme toi, mais en beaucoup mieux. Il arrive parfaitement à jouer sur ça, et tous les acteurs sont parfaitement à leur place, avec même Blanche Gardin qui est un peu à contre-pied de son rôle, et en même temps pas tant que ça, pour ce que ça veut dire, mais ça apparaît notamment dans le dernier tiers, je trouve. Le choix de casting d'Olga Kurylenko, en cette espèce un peu de femme trophée, qui est à la fois ramenée par le personnage de Laurent Lafitte, et qui en même temps arrive à faire plus ou moins, arrive à faire quelque chose, notamment dans la fin du film. Bref, j'en sortais assez convaincu. Je suis toujours pas, on va dire, très au fait du cinéma Nicolas Bonneau, c'est pour ça que je te laissais évidemment la parole sur celui-ci. Mais vraiment, vraiment séduit. C'est un film qui m'a fait rire, chose qui est pas courante, donc qui est quelque part, je m'assouris, qui m'a même fait franchement beaucoup rigoler. Plusieurs fois, pour l'anecdote d'ailleurs, lors de la séance, j'étais à 2 mètres de l'équipe du film. Parce que j'étais arrivé un peu après vous, donc je n'avais pas de place, j'étais en dernière minute pour Gérard et j'étais très littéralement à 2 mètres de Olga Kurylenko et Nicolas Bruno. Bref, c'était honnêtement un vrai plaisir, c'est un très chouette bonbon de comédie qui se mange sans fin, qui arrive à renouveler ses situations, à renouveler son humour, à être jamais méchant avec son personnage, jamais méchant gratuitement avec son personnage, parce que le côté comédie méchante, c'est souvent ce qui peut me rebuter, le côté un peu gratos dans la vanne. Mais là, je trouve qu'il arrive à faire quelque chose de son postulat, à faire quelque chose de ses personnages, à faire quelque chose de ses situations, qui est vraiment encourageant, qui est vraiment qui est presque stimulant et qui donne envie de rire avec le film. Bref, c'était un vrai petit plaisir. Et évidemment, jetez-vous dessus en salle parce qu'il sort dans quelques semaines, quelques mois. On en avait parlé il y a 2 épisodes Il sort début mars. voilà, au moment du programme de 2026. Bref, après ça, il y avait la nuit, la Noche de los Mascos, la nuit des masques, donc sponsorisée quelque part par Shadows qui Oui. distribuait d'autres films sur le festival, mais en priorité ces deux-là. Night of the Reaper et Dead by Dawn, donc film. Donc dans le premier, on va suivre une babysitter qui se fait attaquer et une course contre le tueur. Dans le deuxième, c'est le premier giallo polonais. Roman, qu'as-tu pensé de Night of the Reaper? Alors, Night of the Reaper, je vais être plus clément que toi, je le sens. Oui. C'est un film qui baigne bien dans, pas dans son jus, mais dans le jus qu'il veut référencer. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de. Bah, qui va vraiment sentir les années 80, notamment par ses décors, par certaines références, alors qui sont jamais gratos, notamment une référence visuelle à Halloween de Carpenter. Mais film de Babysitter oblige, forcément. Et une référence, littéralement cité texto, à Robocop, mais dans une scène qui implique un flic, donc encore une fois, justifié. C'est par contre un film qui, alors, a deux gros problèmes. Le premier étant son scénario, notamment cette fin, disons-le, cet honteux plagiat de Scream, Oui. oui, qui surtout sort de nulle part. Alors, comme Scream, vous me direz, mais sauf que là, c'est nul. Bah surtout, ouais, là honnêtement, bah moi je tacle tout de suite mon problème, c'est que l'intro, le milieu et la fin n'appartiennent pas au même film. C'est que j'ai une intro sortie de Halloween, j'ai un milieu, ce serait super grave, mais si c'était pas une comédie. Et la fin, c'est Scream, mais qui a coûté 2 balles. Donc, enfin, ouais, vraiment, j'ai pas trop accroché. C'est pas désagréable non plus, ça suit bien parce que le film arrive à revendiquer une esthétique rétro sans pour autant tomber dans la facilité de hey, tu connais The Cure? Non, non, non, il fait pas du tout ça. Mais je trouve qu'il est très. C'est une démarche qui finalement ne donne pas grand-chose, et surtout putain, c'est un slasher, y a rien, y a pas de kill, y a rien. Bah, j'allais y venir, c'est pour moi mon deuxième gros problème, c'est que autant le gore peut être franchement de très bonne facture quand on le voit, autant on le voit pas, quoi. C'est ça, c'est. Moi, ça m'a pas convaincu, c'est tout très. Un peu étrange comme choix de le mettre en film de nuit, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la salle réagisse, ou applaudisse, ou que sais-je, d'autant qu'avant la salle, enfin avant la projection, nous avions eu des extraits, des petites featurettes de Scream 7, film à venir, avec en plus de très jolis masques Scream, mais. Bah. Pas très convaincu du tout par Night of the Reaper. Je pense que Dolly aurait été un meilleur Ouais, candidat. Dolly aurait été un bien meilleur candidat. Mais nos attentes étaient sur le deuxième. Oui, alors Dead by Dawn, c'est ça. où on suit cette troupe de comédiens de théâtre qui vont jouer une pièce interdite. Alors juste un truc, je sais pas si toi ça te l'a fait, moi ça m'a pas mal rappelé. Juste pour Sur revenir Night of à the Night of the Reaper. Reaper, ça m'a beaucoup rappelé le segment de Scott Derrickson sur VHS 85. Ah, mais le segment, ouais, ben, j'allais dire, Je sais pas si tu l'as vu toi aussi. je préfère le segment de Scott Derrickson, mais c'est dire, je renvoie un autre épisode, mais c'est pas un segment qui m'avait beaucoup convaincu. Mais non, je vois un peu l'idée, mais je te trouve très flatteur dans la comparaison quand même. Non, mais ce côté enquête de police sur des meurtres avec des VHS qui retrouvent, un jeu de piste d'une VHS à l'autre. Ok, non, effectivement, y a un passage. Il y a un passage, mais à choisir, je revois le Scott Derrickson pour ce que ça veut dire. Oui, et déjà que c'est vraiment, il ne dure qu'une demi-heure. Voilà. 25 minutes, je crois, un truc comme ça. Bref. Oui, Dead by Dawn. Alors, plus circonspect que toi. Là, pour le coup, les rôles s'inversent. C'est-à-dire que le film fait à peu près 1 heure et demie. Il y a quand même quasiment 1 heure dans laquelle on a très peu de viande, c'est-à-dire on a 2 kills sur la première heure. Ce qui est alors dans la norme du giallo, ou du moins pas loin. Mais du coup, question sur la prog de Gérard Armé de pourquoi passer ce film à 1 heure et demie du matin. Non, à minuit et demi, je crois. Pas Dans plus. tard. Très tard. Non, à 1 heure du matin. Je crois qu'il a commencé à 1 heure du mat, donc oui. Un peu tard pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film qui démarre quand même vachement lentement. Et aussi, alors, pour le coup, le gore est bien présent dans le dernier tiers, et surtout quand il est là, il est bien là, quoi. Notamment, deux mâchoires qui s'éloignent. Pour le coup, effectivement, c'est un film qui est beaucoup plus surprenant, qui arrive à. Enfin, qui suit parfaitement son manuel du petit giallo illustré, que ce soit par les lumières, les cadrages, le look du tueur, les meurtres, mais qui arrive à être autrement plus satisfaisant que Night of the Reaper par son emploi du gore, par son. Certains twists qu'on ne voit pas forcément venir, par le look de son tueur avec tous ses yeux dans tous les sens, par de multiples éléments qui permettent au film de sortir du carcan attendu du juste des jeunes vont se faire tuer. Il y a d'autres choses qui vont être amenées, il y a d'autres éléments, d'autres envies, d'autres influences, même autres que juste le Dario Argento de tous les jours. Et honnêtement, il s'en sort plutôt très bien. Effectivement, ça s'emballe globalement à la fin, mais même jusqu'à la fin, je trouve que le film arrive à rejoindre le giallo, non pas sur le côté meurtre, mais sur le côté voyeurisme. Il va Oui. aller chercher cette idée d'observer, de stalker, Bah, très d'être pervers au ouais, final. très pervers qu'il pouvait y avoir, qui est presque même un peu plus proche des giallos américains de Palma, à nouveau, Body Double par exemple, Body Double ou même Sisters, mais Body Double en premier lieu, où il arrive même à rejoindre presque plus cette approche du giallo très. Graphico-érotico-stalker que l'élégance que pouvait avoir un Argento. Bref, c'était honnêtement une excellente surprise, notamment par ces apports d'influence et de ces apports de cinéma autres auxquels on ne se serait pas forcément attendu, et également, tu l'as dit, par sa qualité prosthétique, sa qualité de gore qui est vraiment très très très très très très très galvanisante, parce qu'il y a des meurtres absolument dingues, il y a plusieurs plans gore vraiment impactants, et jusqu'à cette fin qui est, on ne dira rien dessus, mais qui va sur un terrain totalement autre et qui va chercher. C'est un peu comme si, à la fin d'un Vendredi 13, d'un coup, dans les 10 dernières minutes, ça s'arrête et ça devient Cannibal Holocaust. Dans l'idée, c'est un peu rock'n'roll comme comparaison, mais c'est juste pour dire que d'un coup, il y a une influence totalement autre qui vient parasiter le film pour donner un résultat que je trouve extrêmement efficace. Bref, personnellement, c'était un vrai petit coup de cœur qui, en plus, s'est bonifié avec le temps. Même si je trouve que la fin, ce côté très société. Ah oui, alors, c'est évidemment société, mais il me semble que c'est un premier film, en tout cas que c'est un film qui est fait par un jeune réalisateur. Donc, alors, si je dis des bêtises, tant pis pour moi, mais il me semble que c'est ça, et si jamais ça, c'est absolument pas étonnant. C'est absolument pas étonnant. Bref, on passe à la suite. On passe à la suite et à ce 5e jour de Gérard Armé. Nous n'avons vu qu'un seul film parce que la journée a été rythmée par d'autres choses. Déjà, les interviews que nous avons pu faire le matin. Exactement. Fin de matinée, début d'après-midi, on a pu avoir la chance d'interviewer d'abord Nicolas et Bruno. Interview de 20 minutes au cours duquel, au cours desquelles on leur parle de leur cinéma, de leurs précédents films, de leurs travaux et de Alter Ego, évidemment, et de leur rapport à Destination Finale, évidemment aussi. Et s'en est suivi quelques dizaines de minutes après ça, une interview de Lia Kurylenko. Donc, interview de 10 minutes à bâton rompu sur sa carrière, le fait d'être ici à Germain, son cinéma, son rôle de James Bond aussi, bref. Son amour pour le genre, pour la France, pour énormément de choses. Bref, passionnant évidemment, tout ça sera retrouvé sur notre chaîne YouTube. Cet épisode sort donc ce week-end, samedi ou dimanche, à voir, et quelques jours plus tard, dans la semaine qui suit, vous aurez donc les deux interviews. S'en est suivi une conférence en deux temps. Dans un premier temps, la masterclass de Joko Anwar sur justement le cinéma indonésien. Donc sur sa carrière, sur le cinéma indonésien, sur la façon qu'il a de parler de la politique de son pays, d'inscrire ses films dans une lignée ouverte de critiques politiques et sociétales dans son pays. Passionnant, animé évidemment par François Coe. Et ensuite une table ronde sur les liens entre cinéma asiatique et cinéma français, enfin sur la façon de financer les films en France et les liens qu'il y a autour du cinéma asiatique. Table ronde évidemment passionnante C'est ça. également. Donc animé par Angèle Delorme, donc, qui était productrice chez Panorama Film, Aurélien Dirlet, qui lui travaille au Travaille au CNC, CNC. notamment au département Aide au cinéma du monde. Et enfin Sonia Latouy, qui est donc la directrice de Insomnia, donc la plateforme d'horreur, de streaming d'horreur de chez Media One. Bref, c'était très intéressant avec en plus beaucoup de clés inattendues sur la façon de créer ces liens-là, sur la façon dont ces deux cinémas, dont ces deux régions du monde peuvent se rapprocher, peuvent et possiblement doivent être rapprochés aussi. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et surtout hyper intéressant même sur des questions auxquelles on pensait pas forcément, par exemple les questions de mettre en avant des pays moins connus, moins. Des pays comme la Birmanie, par exemple, où l'une des intervenantes avait travaillé dans ces pays-là. Donc c'était Angèle Delorme. en général, effectivement. Donc je trouvais que ça amenait beaucoup de questions et que ça permettait de nourrir une réflexion, de nourrir une certaine curiosité qui était vraiment très bienvenue à ce festival. Mais le soir, et c'est là que ça se gâte un peu, on a eu donc la cérémonie de clôture qui étrangement s'est déroulée la veille. Alors pour des raisons de. On rajoute une journée en plus, enfin la veille de la clôture, enfin la veille de la fin du festival, pour des raisons de. On rajoute une journée en plus pour laisser aussi le temps au festivalier de voir plus de films, éventuellement de rattraper aussi les prix. Alors pour faire un bilan rapidement des prix qu'il y a eu, Mother's Baby, dont on va vous parler juste après, dont Roman va vous parler juste après, a eu le grand prix. Il y a eu deux prix du jury avec The Weed Eaters et Cadet, dont on va également vous parler juste Oui. après. Cadet a également eu le prix de la critique, Remis par Philippe Rouillet. Philippe Rouillet. Philippe Rouillet. Le prix du public a été décerné, à notre grande surprise, et en même temps pas tant que ça, à Redux Redux, dont on vous avait déjà parlé dans l'épisode PIF sorti il y a de cela quelques semaines, donc on vous invite évidemment à aller écouter. Et comme dit précédemment, le prix du jury jeune de la région Grand Est a été remis à Don't Leave the Kids Alone. Et il y a un prix dont on vous parlera un peu plus tard, qui est celui du court-métrage, mais on vous en parlera quand on vous parlera des cours, justement. Exactement. Mais après ça, s'en est suivi la projection du temps attendu, Redouté. du temps redouté aussi, retour à Silent Hill de Christophe Gans. C'est mon moment, j'ai préparé ça depuis des jours. C'est ton Bref. moment. Alors, Silent Hill 2 est un phénomène, c'est un monument et. Le jeu. Le jeu, oui, pas le film. C'est un phénomène, c'est un monument, c'est une montagne qu'il est incroyablement difficile de gravir, que ce soit par son l'ambiance qu'il arrive à créer, par l'écriture de ses personnages, par la narration qu'il développe, c'est très Sa dur. musique. Akira Yamaoka, bref. Alors, comment parler de retour à Silent Hill? Bref, je vais d'abord dire que j'ai vu le film deux fois, je l'ai rattrapé en salle il y a quelques jours maintenant. J'avais beaucoup d'attentes et j'étais sorti d'abord furieux contre le film, honnêtement dégoûté, énervé, horrifié. Mais, je dois l'admettre en honnêteté intellectuelle, j'avais piqué du nez pendant à peu près 10 minutes pendant le film, parce que voilà, et au bout d'un moment, les festivals, ça fatigue. Donc c'est pour ça que je l'ai revu en voulant m'y confronter pleinement et en voyant le film dans son intégralité. Ok, alors je vais démarrer. Parler de Silent Hill, de retour à Silent Hill, en voulant fermer les yeux sur ce qu'est Silent Hill, le jeu, ça empêche tout un pan d'analyse. C'est-à-dire que on peut effectivement aborder le film sous la simple question de est-ce que c'est un bon film ou pas. On pourrait. Mais ce serait se couper de tout ce que représente Silent Hill. Parler d'une adaptation sans vouloir parler de son matériel de base, ça coupe déjà matière à l'analyse. On peut, ça c'est faisable, mais ce serait se couper de tout ce qui est littéralement là, le noyau du film. Et dans le cas de Silent Hill, dans le cas de Retour à Silent Hill, Silent Hill 2, c'est, comme j'ai dit dans ma petite introduction, c'est un phénomène. C'est un jeu qui est définitif, c'est un jeu qui est historique, c'est un jeu qui est important, et surtout c'est un jeu qui est particulièrement précieux pour beaucoup de gens, moi le premier. Retour à Silent Hill, je trouve, a beaucoup, beaucoup de problèmes, mais je vais commencer par les qualités. Je trouve que le problème n'est pas à mettre au crédit de Christophe Gans. Il adore le jeu, il adore cet univers, ça se voit, ça se sent, ça se ressent. C'est un amoureux très sincère du jeu, et je pense que dans le milieu de l'adaptation de jeux vidéo, qui est un milieu cabossé, compliqué, voire même torturé, pourrait-on dire par certains, ça fait plaisir de voir que notre média, notre culture est prise au sérieux par l'architecte qui va construire par l'architecte principal qui va construire le film, d'autant plus qu'il va ramener Akira Yamaoka dans le film. La musique est peut-être le meilleur point du film. Bon, pour parler de la mise en scène de Gans, ça va alterner certaines idées vraiment brillantes avec une certaine élégance dans la mise en scène, une façon de filmer, de parler de presque par sa caméra de cette ville, de cet univers, avec beaucoup de finesse, beaucoup de pudeur presque aussi dans certains plans. Et en même temps, ça va avoir des idées, et je suis désolé du terme, mais catastrophiques. Pourquoi des plans à la première personne au début du film? Pourquoi ce top shot digne d'un beat'em all au début du film? Pourquoi singer des plans du jeu? Pourquoi pas? Alors pourquoi pas pour une simple démarche esthétique? C'est-à-dire le plan du parking, évidemment, pourquoi pas? Pourquoi vouloir refaire le plan du miroir juste derrière? Pourquoi vouloir amener ça quand on est fan du jeu à ce point? Ça n'a pas de sens. Surtout que vouloir amener le plan du jeu, ça peut être une démarche, ça peut être de la flemme, les deux peuvent se négocier. Toujours est-il que quand tu le mets dans ton film, quand tu inscris surtout un plan comme celui du miroir, de Silent Hill 2, le plan est connu, c'est le James qui regarde le miroir et qui passe une main sur son visage. C'est un plan qui est extrêmement fort, c'est un plan qui a une symbolique, qui a une esthétique, qui raconte quelque chose et qui, ici dans le film, perd absolument tout. J'ai posé beaucoup de questions pourquoi lors de ce premier point, et c'est finalement ce avec quoi je ressors du film. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que Retour à Silent Hill soit à ce point plus proche de Silent Hill Révélation 3D que du premier film Silent Hill, qui était loin d'être parfait, mais qui avait pour lui une vraie maîtrise, une vraie déférence vis-à-vis de cet univers qui lui permettait, sinon d'être un film parfait, incroyable et marquant, en tout cas d'être un film pas déshonore, pas qui ne déshonore pas par rapport à l'héritage Silent Hill. Bref, beaucoup de questions qui passent en tête. Pourquoi caster ces deux personnages-là dans le rôle principal? Les deux rôles acteurs sont, désolé de le dire comme ça, catastrophiques. Absolument catastrophiques. Rien ne fonctionne dans la relation entre les deux. Pourquoi vouloir amener une espèce de palette de couleurs rougeâtre, verdâtre dans plusieurs scènes? Pourquoi transformer Pyramid Head, putain, désolé de le dire comme ça, mais l'un des totems horrifiques les plus cultes, non seulement dans le jeu vidéo horreur, mais dans le paysage horrifique en général, qui, si dans le 1, des propres aveux de Christophe Gans, sa présence n'avait pas trop de sens finalement, parce qu'il est intimement lié à l'histoire de James, pourquoi le transformer ici en vulgaire totem, enfin en vulgaire personnage secondaire sans grand intérêt? Pourquoi avoir des effets spéciaux aussi immondes à plusieurs reprises, et à côté avoir de très belles choses? Pourquoi avoir des plans magnifiques, notamment des plans sur les décors à nouveau, qui vont côtoyer des plans parmi les plus hideux que j'ai pu voir cette année? Pourquoi, que s'est-il passé? Mais surtout, les deux points les plus cruciaux de cette demi-chronique quelque part, qui font directement le lien avec, cette fois-ci, le jeu Silent Hill, comme je disais en introduction, n'est pas possible de retirer l'ombre du jeu qui plane sur le film. Pourquoi alourdir à ce point des raisons qui n'ont pas lieu d'être? C'est-à-dire que tous les personnages féminins du jeu Silent Hill ont, alors, sorti du personnage féminin principal que James recherche, de la femme de James, mais que ce soit Angela, je crois qu'elle s'appelle Maria aussi, ou... Marie. Non, Marie, c'est sa femme, Oui. et t'as Angela, Maria et la petite, la fille, j'ai oublié son nom, évidemment, ce n'est pas grave, mais quels que soient ces trois personnages-là dans le jeu, ont une histoire, une écriture, un background et une personnalité propre. On peut penser au personnage d'Angela, qui est mon personnage préféré des jeux, qui brise le cœur, qui est terrifiante, qui était terrassante plutôt, par son intensité émotionnelle, qui arrive à faire pleurer en seulement quelques scènes, qui est véritablement un personnage torturé, qui est peut-être un personnage des mieux écrits de la licence Silent Hill. Pourquoi la réduire à peau de chagrin? Le personnage de Maria, pareillement, n'est réduit qu'à une simple demi-fonction narrative, et encore sans trop de sens. Et pourquoi se séparer de tout le bagage émotionnel et thématique qu'amenait le jeu pour le remplacer par des vieux flashbacks de merde qui n'ont aucun sens, qui cassent le rythme, qui alourdissent la narration à mort, qui transforment ce qui devrait être les pérégrinations d'un personnage en quête de passé, en quête de paix, en quête de retour à soi-même et de paix avec soi-même après ce qu'il s'est passé, en une vulgaire histoire d'amour sans intérêt qui ne fonctionne pas par des personnages qui n'ont aucune alchimie. Pourquoi cela ne fonctionne pas et au-delà de ne pas fonctionner, cela est complètement nonsensique par rapport à ce qu'est l'ADN de Silent Hill, à savoir un retour à tes traumas propres et non pas un retour à ton passé. Il passe par ton passé pour te ramener à tes traumas et non pas l'inverse. Et dans la continuité de ce premier point qui est de dégager certains pans les plus cruciaux de l'histoire pour les remplacer par quelque chose de complètement inintéressant, pourquoi mettre autant de lumière sur Silent Hill? Silent Hill, c'est un jeu et un univers qui fonctionne par ses zones d'ombre, c'est un univers qui fonctionne par son inconnu, c'est un univers qui fonctionne par son incertitude, le fait qu'on ne sache pas, le fait que l'univers est d'abord porté par ses représentations. Dans le jeu Silent Hill 2, l'ennemi principal qu'on croise, ce n'est pas les espèces de monstres bizarres qu'on voit dans le film, c'est les jambes. Espèce de deux jambes, vous imaginez deux jambes en dessous, deux jambes au-dessus, qui représentent la luxure de James, le fait qu'il est consommé par cette absence charnelle qui est laissée dans sa vie. Et ça représente quelque chose, cet ennemi, aussi basique soit-il, représente quelque chose. Ici, le film va expliquer, détailler, mettre de la lumière sur absolument tout, ce qui n'en avait pas besoin. L'exemple le plus probant de ça étant peut-être Pyramid Head, qui est révélé au détour d'une scène absolument ridicule et un peu gênante, en toute honnêteté, si on est fan de cet univers et de ce personnage, puisque cette scène ne sert juste qu'à dire pin, pin, pin. C'était twist. Bref, c'est vraiment. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Au point que l'apparition de Silent Hill, enfin de Pyramid Head, renvoie plus à Silent Hill Homecoming qu'à Silent Hill 2. Et ça fait vraiment chier de dire ça. Et ça me brise le cœur de dire ça parce que le film a des qualités, il y a des très beaux plans, il y a une mise en scène qui est vraiment, par instant, je l'insiste par instant, plutôt maîtrisée. La musique est superbe. Évidemment que quand le film, enfin la musique va citer ouvertement le thème de Laura, la reprise du thème de Laura. Je vais avoir mes larmes parce que cette montée au violon me fera toujours pleurer. J'aurais juste aimé pleurer parce que le film m'a touché plutôt que parce que le film m'a désespéré. Bref, je Parce suis. qu'il t'a rappelé quelque chose qui t'a touché. C'est ça, je suis dégoûté de devoir dire ces mots-là. Je suis premier attristé d'en arriver là. J'aurais voulu croire à ce film malgré les premiers retours. Bref. Je pense que le film a échappé au contrôle de son créateur au milieu de sa fabrication parce que je ne comprends pas comment on peut arriver dans cet état-là. Il me reste pour moi de me dire que la fin choisie par le film n'est pas horrible. Et encore, enfin bref, croyez bien que quand je dis ces mots, c'est avec une boucle dans la gorge, en toute sincérité. Et toi, Romain? Ton Tu n'as préféré? pas fait Silent Hill 2, tu n'as fait que Silent Hill 1. C'est ça. Donc, ton préféré à la fin avec le dogo? Ah bah, j'aurais préféré la fin UFO, non mais. Toute blague mise à part, c'est. Enfin, je peux donner au film un dernier mérite. La structure narrative confuse, la structure narrative qui perd volontairement son personnage peut rappeler celle du film qui est de pérégrination dans les esprits de son personnage principal. Je pense que c'est plus à cause d'une faute de maîtrise que d'une volonté. Bref, en tout cas, je l'espère. J'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup trop peut-être. Peut-être que je l'écrirai, peut-être que j'enterrerai ses pensées avec moi. Mais je suis horrifié d'avoir à dire ça. Et je finirai sur une dernière note. Si Angela vous a fait pleurer dans le jeu pour sa backstory ultra touchante, voire même traumatisante à plusieurs égards, rappelez-vous de cette réplique qu'elle a sur son paternel, sachez ici qu'elle est réduite à deux scènes, dont une avec un monstre qui, si le design est beau, dommage, il vient du jeu, l'exécution peut laisser à désirer et vous rappellera malheureusement plus le monstre des mannequins de Silent Hill Révélation 3D que n'importe quelle scène de Silent Hill premier du nom. Bref, en parlant de monstre des mannequins, il y en a également un monstre de ce retour à Silent Hill qui, j'ai l'impression, le cite même explicitement. Ça me brise le cœur d'avoir à dire ces mots à ce micro aujourd'hui. Roman, qu'as-tu pensé de retour à Silent Hill? Alors bah comme tu l'as justement dit, je n'ai pas fait Silent Hill 2 le jeu. Donc je pense que ce serait aussi intéressant d'avoir nos deux discours sur la question. Et alors effectivement, le film est pas bien. Soyons très honnêtes. Alors tu parlais à juste titre de la mise en scène de Gans, qui est loin d'être honteuse. Qui en fait qui alterne, il y a des trucs vraiment honteux Et il y a typiquement la poursuite avec les sorcières, avec les infirmières. Dans le premier, même on va prendre le premier film en comparaison. La première film, elle était magnifique, mais très statique. Elle avait finalement que peu d'enjeux. Ici, elle est boostée au niveau des enjeux, mais elle est plus bruyante qu'autre chose. La faute à une photo, à une mise en scène qui est un peu nulle, hein, désolé de le dire comme ça, et une fin qui bah, n'a aucun impact parce que la scène elle-même n'en a plus aucun. Et Oui. à côté de ça, t'as des plans sur les décors absolument à tomber par terre, les plans sur les labyrinthes, les plans dans l'entrée de la ville avec le panneau et la pluie de cendres, enfin c'est. Tout cohabite dans ce kouglof, quoi. C'est ça. Mais c'est à peu près tout ce que j'aurais de positif à dire. Tu parlais des acteurs, mais oui. Les perruques aussi, putain. Oh. Oui, alors pour le coup, j'avais vu aussi que la perruque de Maria rappelait les shows burlesques. Oui, Ça peut être ça. oui, éventuellement, c'est ouais, burlesque, ouais, je sais pas si j'ai envie, je sais pas si c'est le terme que j'associe à cette entière, mais bon. Non, mais tu parlais de la luxure aussi du personnage de James. Oui, mais une perruque ne compense pas une mécanique de gameplay complète. Ah non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais déjà le jeu d'acteur qui est aux fraises, surtout l'ambiance globale du film qui, alors au-delà d'être, je trouve, vachement rushé aussi, notamment par... Ah oui, par la fin, le dernier tiers. Ah c'est ça, oui. C'est hop, hop, hop, il y a des histoires à résoudre, hop là, on se dépêche. Ça. Là où le premier film de Gantz avait dégagé cette ambiance de poésie macabre qu'on retrouve, je trouve, à aucun moment ici, enfin vraiment... on n'a plus l'effet waouh de la découverte de Silent Hill sur le grand écran parce que du coup on a eu, j'allais dire, on a eu les deux premiers films, on a eu surtout le premier film de Gans. Et au-delà de ça, enfin, la photographie, je parlais de poésie macabre à l'instant, mais la photographie avec ses néons rouges et bleus sortis de Christmas to the Christmas, c'est pas Silent Hill. Bah c'est ça, et puis même, à nouveau, il y a certains environnements qui peuvent être vraiment beaux, rayonnants et efficaces, mais ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des Qu'est-ce qui fonds s'est verts passé? aussi que je trouve assez... Qui sont ignobles, qui sont Ouais. ignobles. Autre exemple aussi, je pensais, le personnage de Eddie, qui dans le jeu est pareil, tragique, est vraiment. Il n'est pas aussi développé que Angela, mais il amène quelque chose, il amène une thématique, notamment autour de la résolution du personnage de James. Eddie, dans le film, c'est. Deux répliques, grand maximum, il fait coucou, très littéralement il fait coucou, et à nouveau c'est plus proche. Silent Hill Révélation 3D, si vous vous en rappelez, était bardé de références à Silent Hill un peu puériles. On peut penser à la chaussure rouge, on peut penser à Robbie de Lapin, on peut penser à Travis Grady, on peut penser au bus. La discussion entre du coup Sharon et Boromir au début du film, où t'apprends qu'ils ont changé d'identité plusieurs fois et ils se disent tous les noms qu'ils ont eus et c'est les noms des personnages de Silent Hill, les jeux. Ça passe, c'est nonsensique, c'est nul, enfin désolé de le dire comme ça, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et surtout, qu'est-ce qu'il reste de Silent Hill après ce film? Qu'est-ce qu'il reste de cet univers, de cette beauté, de cette poésie, de la puissance de cette œuvre? En plus, Le skin. ouais, et encore, parce que adapter Silent Hill, c'est super dur. C'est peut-être avec Resident Evil et Outlast, et The Evil Within, parmi les jeux d'horreur les plus durs à adapter, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste tellement d'interrogations et si peu de réponses, je ne comprends pas. Je ne comprends pas je ne peux pas expliquer ce retour à Silent Hill. Est-ce que tu as autre chose à rajouter dessus? Non, non, bah globalement, il est en salle en ce moment, donc allez-y si vous voulez vous faire votre propre avis. On sait que certains ont aimé, on sait qu'à Mad Movies notamment, ça a pu l'apprécier. Mais maintenant vous avez notre avis. Vous avez notre avis et on. Si Christophe Gans, un jour, on peut vous interviewer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, venez, s'il vous plaît. Et donc on passe au dernier jour de ce festival qui a été Le jour des reprogrammations. des programmations et surtout des rattrapages des prix pour nous, puisque de la journée a commencé avec Weed Eaters, donc... Au prix du jury. Et alors, qu'est-ce qu'on a pensé de Weed Eaters? Alors, toi d'abord, parce que toi, tu l'as vu, on l'a vu peut-être un peu tôt pour toi. Un peu tôt, alors ouais, voir un Sonar Movie à 9h du matin, c'est peut-être pas la meilleure idée qui soit, surtout si on n'est pas en gueule d'aube. Et on ne l'était pas. On n'était pas toujours toujours disponible. Oui. Mais toujours est-il que c'est un film qui, alors, est assez drôle sur son côté stoner et très timide. Dans le côté gore, on parle quand même d'un film où le postulat de base c'est une beuh que tu fumes qui te rend anthropophage. Alors, le film est effectivement plutôt réservé de cet aspect-là, mais c'est une comédie qui se mange sans fin, sans mauvais jeu de mots. parce qu'elle arri il arrive à diversifier les situations et les approches avec à la fois une certaine malice qu'on devine autour de son sujet et en même temps une économie de moyens qui permet d'éviter au film de. Enfin, qui permet au film de ne pas se vautrer dans des exégores à outrance sans que ce soit pour autant frustrant pour son spectateur. Maintenant, prix du jury, Pas sûr. pas trop compris. Surtout quand Welcome Home Baby était à côté, parce que bah finalement, on le dit, bah non, ça fait bientôt une semaine qu'on l'aura vu. Bah moi, il m'en reste pas forcément grand-chose, en Moi non fait. Il y plus. a quelques gags qui me restent, qui sont. Pour le coup, il y a des gags vraiment très drôles. Qui viennent notamment du jeu des comédiens, je trouve. Voilà. Mais je suis pas sûr de. Je suis pas sûr de garder beaucoup de choses du film d'ici un mois, en fait. Donc je reste circonspect sur Weed Eaters. Peut-être un chouïa déçu par le fait que le film aurait vraiment pu être notre dose de viande du festival, parce qu'on n'en a pas eu. Le max de viande qu'on a eu, c'est peut-être Cold Storage et encore. Enfin, que j'ai eu, du coup. My bad. Mais alors, pour le coup, tu dis que ça se diversifie pas mal dans ce que les situations qui proposent. Je trouve au contraire que ça se répète beaucoup, c'est-à-dire que passer le premier tiers avec ses faits ou notamment la scène à la station service, qui je trouve excessivement drôle, Une des plus drôles du film, ouais. ça va être très très répétitif tout du long, avec bah, justement cette mécanique de on est défoncé, on est persuadé de faire l'action la plus intelligente possible dans cette situation, et en fait non. Le film fait quoi? 1h30, 1h20, je crois? Bah pour le coup, en fait, Ouais. ce qui est marquant avec l'éditeur, c'est qu'il arrive à développer une. Enfin, quand je dis qu'il arrive à ne pas trop se répéter, c'est qu'en fait, il va instaurer une situation, une problématique, en faire le tour et passer à la suivante. Donc ça va être, voilà, il y a un cadavre, on en fait le tour, on voit ce qu'on peut faire avec. Ensuite, il faut s'en débarrasser, on en fait le tour, on voit ce qu'on peut faire avec. On s'en est débarrassé, qu'est-ce que ça va entraîner? Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il arrive à reboucler de façon assez maligne jusqu'à son épilogue. Maintenant, à nouveau, d'ici un mois, on me demande quel film a eu le prix du jury, je me rappellerai plutôt de l'autre, plus que de celui-ci. Et encore, transition toute faite. Transition toute faite pour parler de Cadet, alors film kazakh, qui était passé au pif, mais à l'étrange, pardon, mais qu'on avait Étrange. raté. Voilà. Mais je crois que d'ailleurs à l'étrange, t'avais au moins deux ou trois films du réel qui passaient. Il y avait vraiment une espèce de petit spotlight mis sur le Kazakhstan. Ouais, On parlait de Borat tout à l'heure en plus. bien sûr. Mais donc Cadet, on va suivre ce jeune homme, alors un peu outcast pour le contexte du film, c'est-à-dire. Un gosse, cheveux longs, un peu Mis à l'écart par ses c'est congénères. ça, pas très sociable non plus, beaucoup beaucoup de choses qui font que dans la situation, et surtout dans une école militaire, donc dans un milieu où la masculinité va énormément primer, avec tout ce que ça implique évidemment de toxique. Et il va commencer à se passer des événements un peu bizarres. 2 heures. Le film fait 2h06 et c'est, je pense, son plus gros défaut. C'est de loin le plus long parce que pendant tout le premier, pendant toute la première moitié, le film est globalement assez indigeste et je pense que le film se prend les pieds dans ses propres volontés de dénonciation ô combien louable et ô combien marquante, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'à réflexion quelques jours plus tard, le souvenir qui m'en reste, c'est vraiment le fait que le film est long. Le fait que le film est long, prenne son temps et finalement n'arrive pas tant que ça à avoir le vrai choc horrifique qu'il aimerait avoir dans sa dernière partie. C'est-à-dire que autant sur l'aspect scénaristique et surtout sur l'aspect politique du film, à savoir, bah, j'en parlais à l'instant, mais justement, dénoncer la masculinité dans tous les travers les plus toxiques qu'elle peut avoir, ça, 2 pouces levés, ça on applaudit évidemment. Mais à quel prix esthétique, bah, pas grand-chose, il se passe vraiment pas grand-chose dans ce film, notamment visuellement où ça va beaucoup tourner en rond, on va alterner entre les mêmes décors. Alors, pour le coup, ça va jouer aussi sur l'aspect vraiment fantomatique, au bout d'un moment, je dirais, du film. Mais insidieux, ouais, ça, l'école a l'air d'être hantée par ces espèces de fantômes d'un passé pas vraiment révolu, de fantômes d'une toxicité, d'une malveillance indicible et qui est liée finalement aux figures masculines qui peuplent ce milieu, mais qui ne s'assument pas vraiment. Le problème du film, c'est que ce film-là, on me l'a déjà raconté, le postulat de base m'intéresse pas énormément, et ce qu'il me reste du film après ça, c'est une certaine ambiance, mais une certaine ambiance qui m'intéresse pas tant que ça, parce que ce postulat et ses propos, aussi passionnants et intéressants puissent-ils être, bah ne m'intéresse pas. On m'a déjà raconté ça et j'arrive peut-être un peu à bout, non pas de dénonciation de la masculinité toxique, loin de là, mais de cette mécanique de ah là là, elle finit par se bouffer elle-même. Je fais oui, bien sûr, on le sait, mais il me faut peut-être un peu plus que ça. Donc effectivement, Cadès, c'était intéressant pour ce que ça pouvait représenter, c'était intéressant, c'était plutôt captivant dans sa deuxième partie, moi j'étais bien dedans dans la deuxième moitié, mais beaucoup trop long pour son propre bien et beaucoup trop évident dans sa dénonciation pour vraiment pleinement nous convaincre. Il nous reste donc deux films, je te propose qu'on garde le Grand Prix pour la fin. Moi j'ai un bonbon rapide, ça va aller vite. Je t'en prie. Cold Storage, comédie horrifique avec Joe Keery, je n'ai plus le nom de l'actrice, mon Dieu, et Liam Neeson. Et c'était pas mal du tout. C'est cette histoire de jeunes personnes, enfin de jeunes actifs dans un garde-meuble qui vont se retrouver aux prises avec un parasite mutant. Georgina Campbell. Georgina Campbell, merci beaucoup. Avec un parasite mutant venu d'un autre monde Qui était l'actrice de Barbare. exactement, qui fait donc muter, comme son nom l'indique, et évoluer les différents organismes en sorte de zombies dégueulasses qui vont vomir tout un tas de saloperies. C'est joliment gore, c'est joliment amusant, la relation, enfin l'alchimie entre les deux acteurs fonctionne pas si mal, le personnage de Liam Neeson est très drôle, c'est pas vraiment mémorable, mais pour conclure ce festival, c'est une très chouette pastille, éminemment agréable et facile à voir, facile à apprécier, facile à digérer. Je recommande sans problème si vous êtes amateur de comédie horrifique. En plus, c'est vraiment un sens de l'humour qui est plutôt bien vu, plutôt bienvenu aussi. Honnêtement, loin d'être une claque, mais à nouveau, moi qui suis pas trop amateur de comédie, même si ce sont des comédies horrifiques, typiquement, je peux penser à l'un des films que j'ai le plus détesté l'année dernière, à savoir Clown in a Cornfield. Et bah ici, ça se regarde très bien, c'est très plaisant, puis il sort bientôt en salle. Il y a des chouettes effets gore, il y a des chouettes gags. Joe Keery est un plutôt très bon acteur, en tout cas, il est plutôt très amusant dans ce rôle-là, moi je n'avais connu que dans Stranger Things et je n'aime pas beaucoup Stranger Things. J'étais agréablement surpris par ça, vraiment Cold Storage, une chouette pastille qui se déguste sans fin. Et Alors, donc. oui, donc, à l'heure où l'épisode sort, le film sort dans 10 jours, c'est-à-dire il sort le 18 février, et produit bah, par IA, qui a donc produit les Zombieland. Oh, je ne savais pas. Voilà. Et par Canal. Et avant qu'on parle du Grand Prix, je viens de me rappeler, on peut parler rapidement des courts-métrages aussi que nous avons Parlons des vus. cours totalement. Alors, tous les courts-métrages qu'il y avait, il y avait donc Damen sur deux jeunes filles qui vont près d'un lac et ça a mal tourné. La dernière neige dont on vous avait déjà parlé au pif sur deux skieurs sur un télésiège et ça a mal tourné. Exsanguina sur une jeune femme qui veut rencontrer son influenceuse préférée, qui va rencontrer son influenceuse préférée. Ça tourne mal. Et ça a mal tourné, bien joué. Gavage sur un fermier va produire un certain foie gras et ça a mal tourné. Et dans le ventre du Léviathan, où là pour le coup ça va, ça tourne pas si mal que ça. Sur une jeune infirmière dans un sous-marin, dans un futur qu'on devine être post-apo, avec des robots. Alors passons très rapidement sur tout ce. De la dernière âge, on vous renvoie à notre épisode sur le pif. Globalement, c'était notre préféré. On est assez surpris que ce ne soit pas lui qui ait gagné. Mais Damon, pas hyper intéressant. Damon, je colle que le film était présent uniquement parce que c'était produit par la région Grand Est. Bah, court-métrage dispositif sur un plan fixe, vraiment pas très intéressant, il se passe N'est rien. pas aimé, qu'est-ce qu'il veut? Voilà, globalement il se passe rien. Globalement il ne se passe rien. Ensuite, Exsanguina, qui est toi ton préféré? Qui était mon petit coup de cœur. Alors j'avoue que je sais que toi, le côté fan footage, j'étais assez J'en rédhibitoire. peux plus du fan Fan footage. footage et Darknet. Ouais, ça, fan footage, Darknet influenceuse, c'est bon, stop. Mais je trouve que bah, le fan footage était propice à déjà des jumpscares, je trouve, très efficaces dans le procédé, et bah, le fan footage qui aussi utilise son intérêt principal, à savoir l'immersion, pour être au plus près de son héroïne et être vraiment au cœur de l'action. Je trouve que c'est honnêtement la plus grande réussite du film. Après, si on est dégoûté par le procédé fan footage, parce qu'on s'en est mangé à tort et à travers depuis maintenant 20 ans, je comprends que pour toi ça passe très mal. Bah c'est ça, c'est qu'on m'a déjà raconté l'histoire, on me l'a déjà raconté, ce que c'est, même les jumpscares, je trouve pas si efficace que ça, parce que bah, si on a vu des fan footage, ça fonctionne, et puis moi un sursaut ne me fait pas le film du tout, je trouve ça trop évident. J'aime bien la fin, qui est qui est un peu méchante, mais le film est indéniablement efficace et pas non plus désagréable, n'exagérons rien. Mais c'est juste que le procédé du fan footage, à moins de le twister un peu comme ce que faisait La Dernière Neige dans sa dernière partie, j'en peux plus. Le fan footage en 2026, c'est comme la drill dans la musique, c'est comme dire c'est pas du vrai métal, faut arrêter, c'est chiant, et c'est surtout, c'est, je trouve, très stérile comme démarche, puisque qu'est-ce que le fan footage peut raconter qui n'a pas déjà été fait? Je sais pas, je sais pas. Est-ce que c'est un procédé qui a encore des heures de gloire devant lui? Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Surtout à On l'ère. espère, mais... Oh, moi j'irai pas jusqu'à espérer. Hein. Mais c'est peut-être un peu cruel, mais je suis limite content de me dire, c'est dans les années 2000, on le laisse là. On le laisse là, voilà, ça a un peu débordé après, mais on le laisse là, c'est vraiment. Voilà. Il a eu ses chefs-d'œuvre, il a eu ses classiques, il a eu ses références. On passe à autre chose. Et On donc passe. c'est Ex-Angina qui a eu le prix du court-métrage. Qui a eu le prix du. Ce qui n'est pas forcément étonnant, parce qu'à nouveau, il est efficace, il fait bien son travail, mais personnellement, je l'aurais plutôt donné à Gavage. Qui était. Tu avais bien call, c'était bien une histoire de cannibalisme. De foie gras humain. Voilà, sur. Donc, alors, qui en plus. Alors, qui est une comédie horrifique, Oui. qui arrive à être vraiment hyper drôle, notamment avec ces méchants qui sont de clichés, mais très assumés, de je suis un grand méchant de corpo, je vais donc faire de ta vie un enfer. Honnêtement, c'était un vrai petit plaisir, c'est méchant, c'est très amusant. Il y a cette actrice dont j'ai déjà oublié le nom, mais qu'on a vue dans de multiples vidéos YouTube. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien, c'est très amusant, très, très insidieux, et en même temps, ça dit, ça, c'est politiquement assez, assez bien vu, assez bien placé sur ce que ça Alison raconte. Chassagne. Alison Chassagne, merci. Si vous voyez son visage, vous voyez forcément qui c'est. C'est assez bien placé politiquement sur ce que ça raconte, sur la façon dont certains sont exploités très ouvertement par d'autres au point de leur faire péter les plombs. C'est pas la take la plus inédite, mais c'est toujours bon de rappeler ce genre de petits messages. Et toi, Gavage? Gavage, alors pour le coup très séduit, bah déjà t'en parlais par l'humour, qui est très noir à certains moments, notamment par une scène de gavage raté. Oui, alors le film a sa dose d'effet gore assez efficace et oula, oulala là là là. Et aussi, bah, justement, dans ces méchants corpos, notamment cette espèce de fils d'eux, il n'y a pas une insulte derrière, il n'y a pas un gros mot qui a été Mais censuré. il pourrait, mais il Oui, pourrait. mais c'est vraiment le cliché du fils d'eux, le cliché du parvenu qui est là parce que papa a réussi et que du coup, il se sent pousser des ailes, alors qu'en vérité, il est plus proche, bah, il vole plus proche du trottoir que l'Airbus. Tu m'as fait rire. Tu m'as fait rire, tu m'as fait rire. Et que oui, globalement, c'est vraiment ce personnage, ce type d'archétype qu'on adore détester, qui est pour moi une des grandes qualités du film, avec aussi cet agriculteur, ce fermier. Alors, on pense Qui a vite fait un air de pure marmaille d'ailleurs. un peu, alors qui joue extrêmement bien l'imbécile, je Oui. trouve. Le Bah, l'imbécile, en tout cas, le bonhomme tellement poussé à bout que juste, bah écoute, it is what it is. Bah, le mec qui, on a l'impression qu'il découvre à chaque fois pourquoi il est là, mais à chaque 7 secondes. Effectivement, effectivement, effectivement. Y a ça, le personnage de Chassagne qui dégage cette tendresse, mais c'est surtout, alors déjà, cette fin qui est avec ce. Je dirais juste que ça implique un JT, mais qui est génial. Mais qui pareil, qui politiquement est plutôt bien amené et arrive à recontextualiser le film dans ce qui est la douce France avec beaucoup de guillemets de 2026. Mais voilà, si vous avez l'occasion de voir Gavage, un de ces quatre. Jetez-vous dessus. Et autre film qu'il y avait, enfin autre court-métrage qu'il y avait, pour finir, mais donc Dans le ventre du Léviathan, qui je trouve malheureusement n'est peut-être pas à la hauteur de son univers, qui s'il arrive à proposer un univers convaincant, peuplé d'acteurs, de design, de concepts prometteurs, se perd un peu pour finir dans une histoire peut-être un peu évidente, peut-être un peu facile aussi, menée par une actrice que j'ai pas trouvée très convaincante. Et qui est un film qui est très agréable, qui est très joli à regarder, mais qui me laisse un peu sur ma faim par rapport à sa prémisse qui était riche de promesses, d'envies et de fantasmes de cinéma qui ne seront malheureusement pas réalisés. Bah, c'est ça, alors pour le coup, c'est un univers plus intéressant que le film en lui-même, et c'est le problème qu'on avait aussi avec beaucoup de courts-métrages français de l'étrange, du pif, pardon. C'est ce côté. C'est un film qui hurle, adaptez-moi en long. Parce que j'ai envie de voir ça en long, quoi. De tous les films que j'ai envie de voir en long, hein, moi le seul que je garde c'est éventuellement La Dernière Neige, parce que même Gavage que j'aime beaucoup, bon, on l'a déjà vu, il s'appelle Barbac. Donc Oui. j'ai pas très envie de les voir en long, en tout cas Mais dans c'est. cette. Enfin, en tout cas, dans le monde du Léviathan, a vraiment ce côté. Le réal hurle. J'ai un univers, j'ai une DA qui tuerait un long métrage. Je vous jure, je peux faire des trucs cool. Sauf que même en termes de sous-marin dans un monde chelou, bah on a Iron Lung qui est au cinéma actuellement, enfin, qui va sortir au cinéma en France, réalisé par Markiplier, qui cartonne aux États-Unis, qui est adapté du jeu indépendant Iron Lung, qui était plutôt un très bon jeu. Et bah le film laisse un peu sur ma faim sur ce domaine-là. À noter que pour Ex-Sanguina, il y avait des avis de recherche du personnage principal du footage Oui. qui était affiché dans Gérard May. Qui était diffusé à plusieurs endroits de la ville, qui participait à donner cet aspect presque cross-média de oh là là, a-t-elle disparu pour de vrai? Mais bref, on approche du dernier film de ce festival et ça va être toi qui va conclure cet épisode de un peu plus de 2 heures déjà. Avec donc Mother's Baby. Alors, c'est le grand prix de ce festival de Gérard May. C'est un film qui va encore une fois traiter de maternité, sachant que il y avait donc Nervure, Don't Let the Kids Alone, Junk World, Redux Redux, Sitting with Fathers, Cadet, Mother's Baby et Welcome Home Baby. Donc 8 films en compétition, sur les 8, il y en a quand même 6 qui traitent de maternité. C'est énorme, c'est sûrement celui qui le fait le mieux. Parce que oui. Sitting with Feathers n'en parle pas. Non. Non, ça parle de deuil et de rapport à la personne aimée, mais pas de paternité. Voilà. Et Junk World non plus. À part ça, les 6 autres traitent de maternité. Étonnant que Junkworld d'ailleurs n'ait pas eu de prix du public non plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il avait eu. Ah, il avait tout raflé au pif. C'est ça, il avait eu le Grand Prix et le prix du public. Mais c'est sûrement le film qui va le mieux traiter de maternité avec tous les à côté que ça implique, à savoir. Mettre sur pause sa carrière quand on vient d'avoir un enfant. Le fait de. La charge mentale, mine de rien. Tout ce qui implique justement le fait de s'occuper d'un bébé, parce que on parle beaucoup du fait de porter l'enfant, de l'accouchement, mais l'après, le postpartum, c'est quelque chose de très complexe aussi. Nous ne pouvons qu'imaginer, évidemment, Corentin et moi. Mais c'est aussi un film qui. Alors. Pour le mieux comme pour le moins bien, va beaucoup se répéter. C'est-à-dire que sa structure de j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre, into personne ne me croit, pour la structure du film, c'est peut-être pas l'idéal, mais pour justement l'aspect paranoïa et dessein aux enfers du personnage, c'est peut-être aussi le mieux qui pouvait lui arriver, le fait de répéter ça. Donc assez tiraillé à ce niveau-là. On peut dire aussi que c'est un film qui va énormément traiter justement de paranoïa. Alors oui, j'ai pas dit de quoi parler le film, my bad. C'est donc un couple qui a galéré à avoir un enfant pendant longtemps, et qui au moment de l'accouchement, le médecin emporte l'enfant sans leur dire ce qui se passe. Il revient quelques heures plus tard en leur disant l'enfant a eu des complications, il avait le cordon ombilical autour du cou, il a été transféré dans une clinique de Vienne spécialisée là-dedans dans les accouchements compliqués. Le lendemain, il revient et la mère sent qu'il y a un truc bizarre, sent que ça pourrait ne pas être son enfant. Notamment par plusieurs choses qui sont expliquées dans cette scène-là, c'est-à-dire le fait que pendant l'accouchement, la sage-femme lui a dit « Je vois ses cheveux, il est très chevelu », et quand il arrive devant elle, il n'en a pas beaucoup. Et le fait que pendant sa grossesse, on lui ait dit « C'est un gros bébé pour son âge », enfin c'est un gros bébé à l'échelle d'un bébé qui va accoucher, et quand il arrive, il fait même pas 50 cm. C'est pas beaucoup aussi. Mais voilà, toute cette paranoïa-là qui va être entretenue justement par l'ambiance du film, c'est pas l'ambiance à laquelle je suis le plus réceptif, pour être honnête. Mais je pense que si on est une femme et qu'on a subi ce genre de comportement, notamment le fait d'être prise pour une folle parce qu'on voit des choses que les autres ne voient pas et parce qu'on est en première ligne pour affronter toutes les complications du postpartum, c'est logique que ça touche le public féminin de ce film. Personnellement, ce que tu dis, ça me rappelle ce genre qu'on pourrait appeler le Screaming Woman ou Please the Others to Believe Her, mais en gros, cette idée de femme qui vivent quelque chose qui est douteux, en tout cas qui est inquiétant, qui est intrigant, et qui vont supplier les autres personnages de la croire, de ne pas les laisser sur le côté. Dans les deux films qui me font qui sont représentatifs de ça, il y a Run Sweetheart Run de Shaun of Astor qui était très bien réalisé, très bien photographié, très bien joué, mais beaucoup trop balourd dans son approche pour convaincre, qui était presque plus desservant, je trouve, qu'autre chose, même si à nouveau le film est, je trouve, pas si mal. Et surtout, Résurrection de Andrew Siemens, je crois qu'il s'appelait, avec Rebecca Hall, qui était vraiment un très très très chouette film. Donc maintenant, bref, il a eu le Grand Prix, est-ce qu'il restera ou pas? Nous avions fait une petite comparaison des Grands Prix et des prix du public à chaque année, et tous les Grands Prix ne sont pas restés. Mais nous verrons, peut-être que nous avons là le prochain Scream en termes d'influence, nous ne le savons pas, mais effectivement, pour un jury à majorité féminine, il n'est donc pas hyper étonnant de voir qu'un film qui tourne autour de ces thématiques et autour de thématiques surtout exclusivement féminines reçoive le prix, et c'est évidemment tant mieux dans la société actuelle, pourrait-on dire. J'ai une question à te poser. Bien sûr. Parmi toute la sélection, alors du coup, si on exit ce que tu n'as pas vu, quel est ton grand prix personnel de cette année? Mon grand prix, alors c'est assez facile, je pense que je l'aurais donné soit Redux Redux, soit Thing with Feathers. Qui sont pas des films parfaits, qui sont pas des films que j'adore, mais qui sont des films qui me restent le plus en tête et qui, je trouve, traitent de thématiques les plus bienveillantes, en tout cas avec la manière la plus bienveillante. Et par contre, mon flop prix, là, par contre, c'est Don't Leave the Kids Alone, et de très très loin. Et toi? Alors, ce serait potentiellement Redux Redux aussi, pour le coup, qui est un film qui me reste pas mal en tête, notamment, on en avait parlé, mais pour sa gestion de ce qu'est le multivers et de ramener ça à des dilemmes très humains. Très humain et très émo très profond émotionnellement par rapport à ce que ça va impliquer pour le personnage. Ouais. Et pour le symbole, peut-être Jump World. À voir, mais pour le côté très artisanal, pour le Started côté from the homemade. bottom, now we're here. Exactement, mais pour le côté bah, justement très débrouillard, très équipe réduite, ils sont 6, on rappelle, sur Junkworld pour faire de la stop motion, enfin, pas que de la stop motion, mais Mais bref. qui, même moi qui, à nouveau, n'avais pas trop aimé le film, c'est une démarche et c'est un effort, c'est un geste qui est à saluer. Qui est à saluer, qui est même à applaudir des deux mains, tant celui-ci est le fruit d'un travail de longue haleine et d'une dévotion absolument sans faille. Et ben on a fini, je crois. Et ben je crois bien que nous avons fini. Alors, encore une fois, un immense merci au Festival de Gérardmer de nous avoir donné cette accréditation et ces autorisations. Évidemment, pour vous, public, qui nous écoutez, au moment où l'épisode sortira, d'ici quelques jours, vous aurez les interviews, vous aurez probablement un ou deux textes de ma part qui sortiront également, et on espère que cette couverture de Festival de Gérardmer vous aura plu. Alors que ça sortira, non, les interviews seront pas sorties, mais Non, c'est que sortiront. d'ici quelques jours, C'est les ça. interviews sortiront. À noter que, après cet épisode-là, il y a un épisode normal. Il y a encore, a priori, un événement que nous couvrirons Et encore, épisode normal dans un format spécial. Voilà, dans un format spécial, effectivement, il y a un épisode que nous couvrirons qui promet, je trouve, je trouve, pas je trouve, j'en suis sûr, qui promet de compenser peut-être le petit manque de viande que nous avions à gérer. Mais nous n'en disons pas trop, mais à nouveau, nous sommes parisiens et on est amateurs de viande sur les murs. À partir de là, on vous laisse faire votre réflexion. Évidemment, nous parlerons de ça une fois le moment venu. Bref. Un immense merci à vous Merci et beaucoup. a priori d'ici quelques semaines, on se revoit déjà pour un prochain épisode. Hop.